Star présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Révélation, ça y est, cette fois-ci on est prêt. Bienvenue sur Indestar, un peu plus de 21h. J'espère que tout le monde va bien. C'est le début de semaine hein, sur Indestar.fr. Première journée que vous avez passée et ce soir c'est à la cool avec votre émission à la maison comme tous les lundis et les vendredis entre 21h et minimum 23h. Ce soir, on part à l'aventure. On part à l'aventure en équipe avec Cindy. Salut Cindy. Salut. Est-ce que l'aventurière Cindy est prête à affronter la dure loi de la jungle ? Alors, la très très dure loi de la jungle, hein, parce que là, il y a des pépites qui arrivent. Ah, bah j'imagine. C'est bien de donner un petit peu l'eau à la bouche comme ça. Est-ce que Daniel, notre aventurier en chemise hawaïenne, est prêt ? Ouais, il est prêt. Il est prêt. Ah bah, c'est Rambo. C'est Rambo. Ouais, ouais, c'est bon. J'ai mon minigun. Ah, c'est bon. Teddy, je trouve que tu imites très bien Rambo également. J'ai fait ça toute ma vie. Et pourtant, j'ai vas-y, parle normalement, voir. Bah, je sais pas, tu vois, j'ai pas la voix de. Ça n'a rien non, à ouais, voir. Rien à voir. Mais quand je t'émunique, ça le fait bien. Dire que je Indestar, on fait de très bons doublages. Hein. Ouais, ouais, mais clairement, il sait rentrer dans son rôle. Je pourrais travailler chez DreamWorks. Ouais, ouais. Non, c'est oui ou pas. Teddy, et ce soir, est-ce que t'es prêt à affronter 2 heures de radio ? Ah, non. Mais c'est une aventure, donc oui. Toujours une aventure, l'aventure Indestar, évidemment. On va partir, donc, on le disait, à l'aventure pour. Parler de voyage, pour parler de tips, un peu de comment d'astuces. D'astuces. De pas mourir dans la forêt d'Amboise. Ça serait trop bête. On rappelle qu'on est en région centre, Val-de-Loire, donc évidemment, ouais. En ce qui concerne les forêts sauvages, on n'a pas trop ça à côté. Même la survie sauvage tout court, par chez le même la survie, ouais, c'est compliqué. Ça n'existe pas trop. Ah, survie en HLM, qu'est-ce que tu veux que ah, c'est dur, hein. C'est d'autres aventures. C'est d'autres problèmes, d'autres aventures. Ouais, ouais. Moi, je viens de la campagne. Bah ouais, quand même. Mais Teddy aussi vient de la campagne. Il vient des bois et la forêt lui manque. Hein. J'ai grandi dans les bois. Non, c'est bon, on s'arrête là. Ouais, bah, c'est Mowgli. Nous, ici en Touraine, c'est l'aventure entre les ceps de vigne. Alors, c'est pas mal, nous aussi. Hein. Oui. Mais c'est pas trop de danger, mais oui. C'est là que j'ai rencontré un ami. Un ami ? Ah oui. Ça sera notre invité tout à l'heure. Exactement. Oui. Comment s'appelle-t-il, ton ami ? Il s'appelle Monsieur Lodon. Monsieur Lodon, que nous aurons en deuxième partie d'émission et qui nous parlera. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est dans la forêt, hein, c'est ça ? Eh ben, il est aventurier. Il est aventurier. C'est son métier. Oui. Ouais, ouais, c'est un métier reconnu. Non, je déconne, c'est pas un métier reconnu. Mais. Bah, si, quelque part. Ah, bah, il est payé dans. Il mange de ce qu'il trouve. Il a pas vraiment de paye. Ça dépend quel est le but quand tu es aventurier, explorateur et que tu dois découvrir des trésors personnels. Telle une Lara Croft, là oui. Non, lui son but c'est vraiment d'explorer des lieux qui ont déjà été explorés. Ah, effectivement, ça a beaucoup moins d'intérêt. Ouais. Ouais. Mais pour essayer de trouver des choses qui n'ont pas été découvertes. Ok. On sait jamais. Oui, bon. mais des fois ils sont mal explorés les lieux qui ont déjà c'est été vrai. Explorés. Peut-être, donc c'est faut vrai. Explorer pour être sûr qu'ils soient bien explorés. Moi j'explore mon appart de fond en comble en ce moment. On sait jamais. Et j'ai découvert une nouvelle pièce. Ah voilà. La salle de bain. Wow. Je me suis lavé. Ah bah. Oui. Non, ça se voit pas. Lodon, c'est un problème chez les aventuriers, ça. Ah oui, c'est pas sûr que ton pote Lodon. Chez les aventuriers, ouais. C'est pas évident. Non, bah non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être ça qu'il cherche depuis toute sa vie, en fait. Hein. Ah, et ton mec. Bon, il y a quand même les cascades, les sources naturelles, tout ça. Oui, mais il évite parce que c'est dangereux d'aller dedans. Bon, il évite les endroits dangereux. On en parlera avec lui tout à l'heure, ça a l'air d'être un sacré personnage. Ouais. Petit spoil, ne vous attendez pas à une interview aussi intéressante que vendredi dernier. Voilà. Mais sait-on jamais. Quiz à la fin de cette émission. Ça va être différent, j'ai l'impression. Ça sera différent. Voilà, nous allons. C'est comme ça qu'on dit les choses. Ça va être différent. Il y aura aussi un jeu, un quiz à la fin de cette émission pour savoir qui parmi vous est le meilleur ou la meilleure aventurière. Et puis on parlera aussi tout à l'heure des grands aventuriers et aventurières avec Laura tout à l'heure des aventurières, moi des aventures du 20e siècle, toi avec Daniel tu vas nous parler des aventuriers inconnus. C'est ça. Ceux qui sont morts avant de commencer l'aventure. Et on parlera. Et c'est pas les inconnus qui ont été aventuriers. Ah bah non, hein, non, ça, c'était inventé un peu plus tôt. Et pensez aux grandes aventures, aux grandes croisades des années 1700, 1400. Croisades, ouais. Les Templiers. Exactement. Ah oui, ça c'est autre chose. Non, mais de tout temps. Pardon. Je rappelle qu'au départ, on était un petit peuple perdu en Afrique et puis on a exploré. La Terre, oui. Le monde, l'espace, la Lune, Mars. Voilà, plus ça va, plus on va loin. C'est pas faux. Bah oui, en même temps, c'est vrai que quand il n'y a plus rien à découvrir, faut aller chercher loin. D'ailleurs, en parlant de découvrir, on va aussi découvrir les peurs les plus sombres de l'équipe. Ou peut-être pas les plus sombres. Oui. Quelles sont nos phobies et puis quelles sont vos phobies, hein. Vous pouvez intervenir évidemment dans cette émission dont vous êtes les investigateurs. Pff, je sais pas, j'ai envie de dire ça. Vous avez le droit en tout cas d'intervenir sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook, puis l'Instagram aussi, que je vous invite à rejoindre si ça n'est pas encore fait. Hein, n'est-ce pas? Et vous pourrez également faire un tour sur indestar.fr. Par exemple, pourquoi, Teddy, on pourrait faire un tour sur indestar.fr? Eh ben, peut-être pour écouter le podcast de l'émission si vous ne pouvez pas l'écouter en direct. Mais du coup, si vous entendez ce que je dis, c'est que vous écoutez. Par contre, vous avez peut-être loupé vendredi dernier avec. Exactement, avec la spéciale DreamWorks. Donc, vous pouvez la retrouver sur indestar.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. En plus, ça a été validé par Jolan qui a écouté l'émission et qui nous a dit que l'émission était fort intéressante. Si c'est validé par Jolan. Ah, si c'est validé par Jolan, je veux dire, ça vaut son pesant de cacahuètes. Un discours qui n'est pas d'aventurier. Au moins 2 kilos. Hein. Voilà. Ça, c'est plus le discours d'un mec qui fait de l'apéro. Son pesant d'or, quand même. Ah, c'est vrai. Évolué, ouais. Oui. Oui, mais les 2 kilos d'or, ça coûte plus cher que 2 kilos de cacahuètes. Je te rappelle que je suis au RSA. C'est un peu plus élevé. Oui, mais on peut pas fournir les 2 kilos d'or. Ouais, mais sachant que le marché de la cacahuète. Non, on va vraiment rentrer là-dedans? Non, on va s'arrêter. Non, mais moi, j'ai un discours de chômeur. L'aventure de la cacahuète. On pourrait. Je sais pas si ça serait passionné. Non, le cours de la bourse est en train de monter. Par contre, en parlant de découvrir, de découverte, on peut découvrir de la musique sur Indestar. Oui. Est-ce que par exemple, il y a 12 ans, j'aurais pas découvert une pépite d'or? Ah, je sais pas. Est-ce qu'elle était en or? Est-ce qu'elle était pas en adamantie? En diamant? Ouais. En diamant, en émeraude, évidemment, c'est Anafri. Hein. Avec une reprise de We Found Love de Rihanna. Rihanna qui avait fait Trick for the Diamonds. Diamonds, les diamants, tous reliés, tous se suit. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur Indestar à écouter Anafri à l'instant dans cette émission à la maison du lundi soir jusqu'à 23h grand minimum. Toute l'équipe est là, Cindy, Daniel, Teddy, et quand je dis toute l'équipe, non, parce que Laura nous rejoindra tout à l'heure, et puis également, normalement, Antoine qui viendra nous faire un petit coucou, surtout pour participer au quiz, parce que, je cite, il fallait quelqu'un d'intelligent pour participer au quiz, donc normal que l'on pense à moi. Je vais le défoncer. Ah, il y a de la pression. Mes chevilles. Ouais. Ça va, mes ça va. En même temps, c'est ses chevilles, il en fait ce qu'il veut. Hein. Oui. Bah, ceci dit, il va avoir du mal à faire de la randonnée s'il a des chevilles, s'il vous plaît. Mais exactement, voilà. C'est pour ça qu'il intervient qu'à la fin de cette émission. Peut-être qu'il glisse, comme ça sert de ski à la montagne en plus, hein, c'est l'avantage, luge même. C'est vrai, ça évite de se tordre la cheville. On parle découverte, exploration et aventure ce soir dans cette émission. Et on a envie de faire nos sujets. C'est dingue. Ça c'est sûr. Mais on avait envie de parler de Cindy. Oui, toujours. On a toujours envie de parler de Cindy, voyons. On parle que de ça 7 jours sur 7. Les aventures de Cindy. À retrouver à 20h50 sur la 3. Non, les aventures de Cindy, toi tu as fait. Alors déjà, tu es une cavalière, Cindy. Oui. Donc tu fais du cheval. Oui, des poneys, des chevaux, ça dépend de la taille de l'animal. Avec tes chevaux, tu fais potentiellement des randonnées aussi en cheval. Oui. Et il peut arriver des mésaventures, parce qu'à partir du moment où on fait du cheval, à partir du moment où on prend un risque, on fait du sport. Voilà. Je ne prends pas ce risque-là, mais à partir du moment où on sort de chez soi, voilà, il peut nous arriver toutes sortes d'aventures. Par exemple, oh là là, par quoi commencer? Mon pauvre capitaine. Alors, non, il y a des randos qui se sont très très bien passés. Hein, J'espère, j'imagine, heureusement. Genre, j'ai fait des super belles randos sur la plage, mi-plage, mi-forêt, où ça s'est très très bien passé, mis à part que mes rênes se sont cassées et que du coup, je n'avais plus de contrôle sur le cheval. Je croyais que t'étais en cheval. Je viens de faire les rênes avec les chevaux. Le mode roue libre, là. Non, mais les rênes, c'est ce qui sert à diriger le cheval, en fait. C'est ce qu'on a dans les mains, c'est les cordes. Tu vois, pour diriger l'âne, c'est le volant. Et pour diriger le cheval, c'est le volant. Et du coup, la pédale d'embrayage s'est cassée. Et du coup, elle était en roue libre. Exactement. Voilà. Et en fait, le gros souci. Faut traduire pour Théo. Se casse, c'est-à-dire que t'as plus de contact en fait avec la bouche de t'as ton plus de volant qui te sert en fait à diriger. Et là, du coup, j'ai fait c'est dommage parce qu'en plus j'étais au galop. en pleine forêt, j'ai fait, eh bah, tant pis. Comment je fais pour le ralentir, mais pour alors, le faire tourner? Un truc tout bête, mais genre, si tu lui parles à l'animal, il réagit pas? Si tu lui dis... Si. Ouais. T'as des chevaux commande qui vocale. Sont dressés. Donc là, c'était le cas. Voilà. C'était une jument de randonnée. T'as des chevaux qui sont dressés, en fait, où tu cries stop, ils s'arrêtent. Alors, le problème, c'est que quand tu cries stop, ils s'arrêtent, mais ils s'arrêtent net. Ah oui, avec l'ABS, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu fais galop à arrêt en à peu près 2 secondes. Donc, ouais, t'as juste intérêt à bien tenir. Ah ouais, sinon tu passes par-dessus le cheval. Ouais. Voilà, ah, t'as pas de ceinture de sécurité pour tenir. Bah non, mais c'est mal fait. Effectivement, non, t'as pas de ceinture de sécurité dans ces cas-là. Il n'y a pas la bague. Ah, mais tu sais qu'au crash test, un cheval. Il n'y a pas de sécurité. C'est merdique. Hein. Non, mais moi je dis ah, ça. Oui, non, oui, le crash test, c'est pas mal. Ouais, mais je veux pas dénoncer, tu vois. Mais on dit, ouais, cette voiture a eu que 2 étoiles au crash test, run cap, etc. Mais est-ce qu'on se soucie des gens qui sont en chevaux? Bah, la preuve que non. Bah, je pense que là, t'as même 0 étoile en fait. Bah, ouais, c'est ça, c'est comme un vélo quoi. T'as un casque. Ah oui, c'est vrai que t'as un casque. Ce qu'on appelle et une bombe. Tu peux avoir un gilet de protection aussi. Déjà, quand t'as. Non, mais déjà, quand t'as un casque qui s'appelle une bombe, moi je serais pas rassuré. Ouais, c'est des chutes explosives ça. Ouais, c'est ça. Parce que t'es sûr de t'exploser une chose, mais pas la tête. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a des balades aussi, entre guillemets, maintenant, j'en rigole parce que c'est quand même. Vachement marrant après coup. Mais voilà, ouais, t'en rigoles après coup, mais en fait, c'est que, genre, j'étais à cheval tranquillement avec d'autres chevaux devant moi et d'autres chevaux derrière moi, mm-hmm, avec Kézak, donc qui est mon cheval sur le coup. Un embouteillage. Et genre, j'étais tranquillement au pas et tout, et en fait, mon cheval s'arrête pour faire pipi, parce que voilà. Ah, bah oui, les en plus. Ils ont aussi des besoins naturels, voilà. Et en fait, je les vois qui s'éloignent, et je dis à la carrière de devant, préviens Christelle, donc, qui est notre monitrice. Que bah moi je suis arrêtée parce que bah moi quand Kézak voit l'écart qui se creuse, il panique. Ah oui. En fait, c'est normal, il a bu trop de Kézak, il avait besoin de faire pipi. mais attends, une question de débutant, mais quand un cheval veut faire pipi, comme un être humain, il se retire un petit peu de la foule pour faire ses besoins dans son coin? Non, mais enfin quand ils sont dans le champ, ils ont des zones en fait. D'accord. On va dire. Ah, ok. Ils ont des zones, généralement, c'est ce qu'on appelle les zones de refus, c'est-à-dire les zones où ils ne mangent pas l'herbe, ouais, ils ne mangent pas, je sais pas ce qui s'y trouve parce que ça leur plaît pas, donc du coup, ils font leur besoin dessus, quoi. Ah, c'est bien fait. Hein. Mais donc, ils aiment pas, ils pissent dessus, c'est tu vois. C'est pas mal foutu. Et quand t'es en selle et que ton cheval fait pipi, il faut que tu te lèves pour dégager ses reins, en fait. Ah oui, sinon ça le bloque. Pour pas le gêner. Ouais. C'est ça. Et genre du coup, donc moi j'étais en mode genre arrêtez-vous parce que je vais mourir dans 5 secondes. Et la meuf elle me regarde, elle me fait non mais c'est bon, tu rattraperas au trot. Alors jamais, hein, jamais, au grand jamais tu me fais ça quand quelqu'un te dit préviens la monitrice, jamais tu me fais ça. Et donc du coup elle a pas prévenu en fait. Et genre moi j'ai regardé les filles derrière, je leur ai dit tenez vos chevaux parce qu'on sait jamais quoi. Mmh. S'ils ont peur d'un truc ou quoi. Et genre, il y avait c'était deux filles qui étaient plus jeunes que moi derrière et qui avaient un niveau un peu moins élevé. Et genre, moi, donc j'étais avec Kézak et là, donc le cheval donc finit de faire pipi et direct, en fait, il est parti plein cul galop. En mode rodéo et tout. Moi, j'ai volé comme une merde, hein, voilà, tout simplement. J'ai volé comme une merde, feuille au vent. Bah oui, t'as pas été faire ton séjour au Texas, c'est pour ça. Quoi, Bah ouais, puis bah non, mais j'ai l'habitude en fait avec lui parce que je sais quand est-ce qu'il va mettre des coups de cul et tout ça. Et c'est pas ton premier rodéo. Il va partir en live, tu vois. Ouais. je le sais. Mais là, si tu veux, c'était tellement inattendu et que vraiment il a fait arrêt, galop, coup de cul, vas-y, yolo, c'est parti. Donc moi j'ai fait un peu bon, bah, on va mourir dans 5 secondes. Ah, bon, tu sais que tu vas jarter du cheval, quoi, c'est horrible. En fait, tu dis à quel moment je vais tomber, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Ben, en théorie, j'aurais eu le niveau là que j'ai maintenant, je serais resté dessus. Mais c'est que là, avec la puissance à laquelle il est parti, et il a ce qu'on appelle arrondi le dos, donc en fait, il s'est courbé. Ouais. Il voulait jarter. Il a remonté son dos, et en fait, du coup, ça fait que toi, t'as plus de facilité à être éjecté, en fait. En équilibre. Il le sait, le cheval, quand il fait ça, c'est-à-dire que c'est une volonté de t'expulser, de t'envoyer comme une merde dans le décor, non? Non. Ah non, pas forcément. Là c'est surtout le coup qu'en fait, Kézak, c'est un cheval qui panique énormément en extérieur. C'est un cheval qui est très, très angoissé. Et en fait, le fait, les chevaux sont quand même des animaux de groupe, à la base. Et le fait de voir, en fait, les chevaux de confiance partir au loin. Et en plus, il y avait un virage, donc en fait, il les a complètement perdus de vue. Ouais. Bah, il a paniqué, en fait. Il s'est dit, ça y est, je suis toute seule. Faut que je les rattrape. Je suis en danger, en fait. Ouais, je comprends. Où sont les copains? Du coup, il gère tout le monde et il part. Ouais, il est parti en vrille. Ouais. Il s'est dit, il faut que je déleste du poids. Ouais. et du coup, bon, il est parti. Sacré poids, dis donc. Il est parti plein cul d'allô. Moi, je suis restée sur place entre deux cailloux. Je me suis relevée, j'ai fait, ah, je suis pas tombée loin. Et du coup, en fait, la meuf derrière moi, moi non. Ouais. Mais la meuf derrière moi, elle a fait une crise d'angoisse sur son cheval, quoi, parce que elle s'est dit, la prochaine c'est moi. Donc du coup, je me suis retrouvée à tenir le poney de derrière, qui était en mode, je vais partir de l'eau, je vais partir en galop, et à remonter en marchant avec une monitrice qui faisait, Cindy, rattrape ton poney, mais dans le champ. C'est pour ça que je fais pas de cheval. Papa, je cours pas assez vite. Ah, c'est pour ça que je fais pas de cheval, c'est pour, je veux pas marcher. Je vais pas me retrouver dans cette situation. C'était n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Et alors, Sylvie a répondu. Moi, j'ai pris un cheval. C'est pas pour marcher quand même. Faut pas exagérer. Hein. Bah non, mais c'est donc normal. J'irai pas le chercher. C'est normal. Moi, je pas. Ouais, j'ai été le chercher, mais le nombre de fois que je suis tombée de Kézak en balade, si tu veux, maintenant. Je sais que. C'est fait pour. Et est-ce que Kézak le cheval? J'imagine le cheval au début de la randonnée. Ah tiens, c'est elle, je vais encore l'éjecter. Ouais, non mais en plus, il est vraiment adorable comme cheval. C'est juste qu'il est très angoissé. Par contre, il y a un truc vraiment drôle. On a compris qu'il était adorable là. Ça a l'air. Non, il y a un truc vraiment drôle en vrai qui s'est passé une fois en balade. On est parti à trois avec ma sœur et une pote. Et elles ont toutes les deux des juments qui sont assez grandes. Moi, j'ai un poney. Mm-hmm. Et en fait, à un moment donné, on est passé dans l'arrière-cour d'une église qui était ouverte. Et c'était super joli et tout, mais il y avait trois marches à monter. Et donc la jument donc qui s'appelait Isis de ma pote, elle monte les marches, mais genre elle monte les marches comme un humain, quoi. C'est-à-dire patte après patte, voilà. Ouais. La jument de ma sœur, pareil. Donc moi je me dis c'est pas ton Kézak. Bon, il va faire pareil, mais bah non. Ouais. Bah non, parce que lui il fait jamais rien comme tout le monde, tu comprends. Lui, il est très gentil. Les trois marches. Lui il a bien sauté, si tu veux. Ah, il s'est oui. dit je vais sauter à l'arrêt. Sans élan ni rien, je vais taper un bond de ouf et il les a sautés. Hein. Il a réussi à les sauter, je sais pas comment, mais il a réussi à les sauter sans se casser la goule. Et moi, je me suis pris ce qu'on appelle un taxi, c'est-à-dire qu'en fait, tu restes le cul collé à ta selle et tu te prends tout l'élan de ton cheval dans le cul. Et c'est quel rapport avec un vrai taxi pour... C'est parce que c'est taxi le film en fait quand il démarre. Ah ouais, c'est en même petit Daniel. Non, mais ouais, c'est. Tu t'y attendais pas et ça te... Ça te colle au siège. Ouais. Moi, j'ai une question technique. Ton Kézak, là, est-ce qu'il a des gaz? Non. T'as compris, non. Daniel, ma vanne, hein, avec l'eau Kézak. Hein. Ah oui. J'ai pas compris. C'est par rapport à l'eau. Tu sais, il y a une eau minérale gazeuse qui s'appelle Kézak. Ça disait même dans la pub qu'ils avaient appelé l'Orio Kézak. Voilà, c'était nice. Ma question technique. En plus, tu sais qu'à la base, en plus, Kézak, ça se dit pas Kézak, ça se dit Kézak parce qu'il est anglais en fait. Ah, du coup, faut lui parler en anglais. Voilà. Bah oui. Tu dis stop. Bah, j'ai essayé, mais stop. Tu sais, quand je le fais reculer, si je lui dis recule, il ne comprend pas. Faut que je lui dise back. Ah ouais. Oui, mais parce qu'on a dû lui apprendre, comme ça. In back. Bah oui. Genre, tu lui dis back. Straight on, enfin, turn on left. Tu te regardes et Sir Kézak. Back, please, back. Ah, c'est ça. Get back. Mais ouais, du coup, pour préciser un petit peu, le taxi, ouais, c'est quand tu restes assis dans ta selle, quand, en fait, entre guillemets, tu ne suis pas le mouvement du saut de ton cheval. Et à l'inverse, t'as la georgette. Qui en fait, c'est quand tu pars et que lui il part pas. Pourquoi la georgette? C'est parce que c'est georgette dans sa mobilette. C'est quand tu précèdes ton cheval sur le saut, c'est-à-dire en fait. Ah oui, je vois. Toi en tant que cavalier, tu passes devant ta selle. Ah ouais. Tu vas limite t'étaler plus ou moins sur sa crinière. Quoi. Et généralement, quand tu fais une georgette, généralement tu tombes. Ouais. Ah, je croyais, trop je bon. Croyais que c'était quand tu faisais un soleil par-dessus la tête du cheval. Là, effectivement, tu passes devant le cheval. Non, ça, c'est quand il s'arrête net. Et après, il te monte dessus et après, ça change de course. Quand tu le fais en CSO, quand tu fais un soleil, c'est ce que j'ai fait vendredi dernier. Tranquille, easy. C'est que t'as fait une georgette avant, généralement. Ah, parce que t'as la georgette arrière. Voilà. Ah bah t'as la georgette soleil. un enchaînement. Pauvre Georgette. Décidément. Non, mais c'est voilà, c'est, ouais. Voilà, c'est pas ça, ouf, quoi. Donc ça, c'était les aventures après, sinon, en cheval. Ouais. Parce que t'as eu des aventures aussi pas en cheval. Sans cheval, après, ouais. Il y a les aventures sans chevaux. Et le truc, c'est que les aventures sans chevaux, c'est quand même pépite, parce que, genre, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en antenne, quand on faisait des parcours d'orientation à l'école, véridique, personne ne voulait se mettre avec moi parce que je portais la poisse. Comme moi au sport, c'est d'une manière générale. Bah... ouais, non, mais bon. Pourquoi la poisse genre, bah, parce que généralement, ce qui se passait, c'est qu'on trouvait jamais les balises déjà, donc. Base, j'ai un sens d'orientation de merde, donc je faisais toujours l'inverse en fait du sens dans lequel on devait aller. Et puis j'avais la fâcheuse manie de genre s'il y avait un trou, c'était pour ma pomme. S'il y avait un trou, je tombais dedans. Enfin, c'était, je me jetais voilà, dedans parce que pour me sacrifier. Non, mais c'était n'importe quoi. Il y a quand même une fois en course d'orientation, on a perdu la carte parce que c'était moi qui l'avais. Ça, c'est dommage. Le seul indice que t'as, tu vois, tu perds la carte. Qui est bon en orientation, Daniel? Est-ce que t'es... Daniel, si on t'enlève le GPS, qu'on te donne une boussole, une carte, tu sais te débrouiller ou pas? Ah ouais, ouais, même sans boussole, sans carte, ah moi, oui. Je suis... L'étoile du berger. Je suis une boussole à moi tout seul, là. Ok. Oh, la vache, c'est vrai ce mensonge ou... c'est pas un mensonge, hein. Ah merde. Et toi, le pire truc, moi, du coup, c'était qu'en fait, la carte, c'est pas que je l'avais pas prise et que je l'avais paumée dans la nature, c'est que je l'avais juste pas prise du tout et qu'elle était au QG, en fait. Ah bah oui, bah ça, c'est sûr que c'est et beaucoup moins pratique. Comment on trouve le QG sur la carte? C'est ça. Et ben, quand t'as fait plusieurs mètres, ça va, parce que t'as juste à te retourner, tu vois encore le QG. Oui. Quand t'es perdu dans la forêt, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Et le pire du pire, parce que les parcours d'orientation, quand t'es à pied, ça va, mais quand t'es à cheval... Ah, c'est autre chose. Bah, c'est-à-dire que tu fais plus de kilomètres, donc potentiellement, tu te perds plus. Oui. Bah oui, ouais. C'est bien ça le problème. Ouais. Mais toi, ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça on s'est retrouvé dans une propriété privée, on était en mode bah ouais. Et genre en fait c'est parce que les cartes étaient pas à jour. Ah, ça c'est en fait, ça, on, c'est nous, con. Ouais. On nous avait donné des cartes pièges. Bah, bah évidemment, ça, c'est, bon, c'est ça. Plus marrant. Bah oui, c'est beaucoup plus drôle, je m'éclaterais à faire ça. Oh, ouais. Ouais. Je parie que tu l'as déjà fait. Non, de quoi de faire des fausses cartes? Non, moi non. Mais avec des vraies cartes, tu t'es déjà planté comme si c'était une fausse? C'est-à-dire de pas être bon en carte. Alors, je pense, alors d'une manière générale, je pense être mauvais. Non mais en fait, je suis pas très bon parce que je suis, malgré tout ce que vous donc pouvez me mauvais, dire sur mon raison. Âge, etc. Contrairement à Daniel, jeune. Enfin quand j'étais jeune, vraiment, il y avait une carte quand mes parents partaient en vacances, on regardait la carte et je l'ai fait un petit peu. Oui. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à conduire. Quasiment tout de suite, j'avais emprunté le GPS de mes grands-parents, tu vois, et puis après j'ai mon propre GPS portable, etc. Donc je suis peu habitué à regarder une carte. Alors je pense être plus doué que peut-être certains jeunes sur le fait d'ouvrir une carte et de savoir où on est et où on va. En voiture, ouais. En voiture, mais. Mais à pied. Cela dit, non, mais que ça soit à pied ou en voiture. Je suis pas très bon parce qu'en fait je me fie comme beaucoup de gens, je me fie vachement trop au GPS et ce qui fait que je regarde beaucoup moins autour de moi et en fait je m'imprègne pas du trajet, ce qui fait que dans une ville par exemple, et typiquement dans une ville, je peux faire pendant 3 mois le même trajet et si j'ai toujours le GPS, bah, au bout de 3 mois je suis incapable de retrouver ma destination. Donc voilà. Moi je suis pareil. Ouais. Je suis pareil. Moi, c'est toute une aventure la ville. Je vais vous donner des cours. Je vais vous apprendre comment on fait. Et bah, je peux faire pareil que toi, Daniel, tu parce que moi, je donnais des cours d'orientation quand j'étais jeune. À la génération d'après. Ah, la génération d'après. Bon, ça va. On va monter une formation professionnelle, une des stars spéciale pour. Course d'orientation, aventure une des stars. Mais j'aime bien parce que moi, quand j'étais ado. En parlant de ville et tout, je sais pas, parce qu'on se. Yann, toi tu te paumes dans les villes en France, t'es comme moi. Si peu. Un petit peu, ouais, d'accord. Imagine que moi je suis allée avec ma pote qui a pas plus de sens d'orientation que moi à Londres. Et on s'est dit, ouais, c'est pas grave, on va prendre nos téléphones. Bah oui, sauf que c'est pas le même réseau. Le problème, c'est qu'on avait pas internet. Du coup, on s'est retrouvés comme des cons dans Londres avec pas un chat en plus parce que. On est arrivé, il n'y avait pas un chat pour une fois, tu vois. Genre on était un peu en mode dans la plus grande ville d'Angleterre et il n'y avait personne. Ah, c'est vrai qu'à Londres, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de monde à Londres. Ouais, ça fait bizarre. Et du coup, on était en mode putain, mais on va où? Et en fait, on savait pas du tout où on était. On s'est perdu complètement. Et jusqu'à ce qu'on trouve un pauvre gars qui était là et qu'on lui dise on est perdu, machin, tout ça. Et il nous a regardé. Le mec, déjà super sympa, a explosé de rire. Du coup, c'était, bah voilà, quoi, c'était sympathique. Et il nous a gentiment remis sur notre chemin et tout ça. Mais j'en garde un très bon souvenir quand même parce que il m'est arrivé un truc dans cette grande aventure londonienne. Ouais. C'est que, après avoir été au studio Harry Potter, parce qu'évidemment, qui dit Londres, dit studio Harry Potter. Là, t'étais pas perdu, là. Là, tu t'étais retrouvé à ton checkpoint. Ouais, non, mais on s'est perdu parce qu'en fait, on a. Ouais, parce qu'on s'est quand même perdu avant d'aller au studio Harry Potter. On retrouvait pas le bus, en fait. Ah, un petit coup de baguette et c'est reparti, normalement. C'est pour ça. On appelle le Magicobus dans ces cas-là. Bien sûr. Bah, oui, mais bon, là, on n'avait pas de baguette et vu que le Magicobus s'appelle avec un mouvement de baguette, bah, on était un peu dans la merde. Ah, c'est ballot. Si tu vas à l'étranger pas outillé, franchement, ça va pas. Bah oui, je sais bien, mais bon. Non, mais c'est vrai que quand t'es français, tu te balades toujours avec ta baguette. Non, mais pour faire plus général, c'est vrai que quand vous partez, alors déjà, oui, se renseigner si tu vas avoir du réseau là-bas, si tu veux. Non, bah alors, emmener ta baguette éventuellement. Mais t'es français, tu le fais, point barre. Savoir lire une carte ou un plan, etc., je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui est utile. Voilà. Oui, surtout que là, en fait, en plus, on était vraiment parti sur un coup de tête, donc c'est pour ça aussi qu'on n'était pas du tout préparé. On s'était juste dit, on va faire ça. Bah oui, c'est bien, sauf que quand tu te dis, on va faire ça, déjà, tu regardes pas forcément le nombre de kilomètres qui séparent les bordels, et que quand tu dois te taper 6 kilomètres dans la journée, entre juste deux lieux et que t'en fais 6, je pense qu'on se faisait 50 kilomètres tous les jours. Aïe. Environ. Ah mais moi mais alors l'avantage tu vois sans avoir de boussole ou de GPS moi mes pattes auraient dit stop avant quoi. Ah non, c'est mais trop loin du point de départ. Pour vous situer à peu près mon niveau de poisse quand même, c'est que premier jour je me suis fait une tendinite au genou. Pour commencer c'est bien. Mais pourtant t'avais pas le cheval. Respect. Et pourtant j'avais pas le cheval et on et genre ma pote elle me dit mais putain mais elle me dit à chaque fois que je pars avec toi t'as toujours un problème. Je suis vas-y. Du coup c'est la dernière fois que vous êtes partis en vacances ensemble. Non, on a prévu de se faire l'Allemagne, l'Irlande et tout ça après. Mais on emmène les béquilles cette fois-ci. Non, mais t'étonnes pas si elle te laisse, si vous prenez pas le même avion et que vous arrivez pas au même endroit. C'est voulu. mais ouais, du coup, et ouais, pour en revenir à ma petite anecdote de départ qui est quand même très très drôle, c'est que donc après qu'on soit allé au studio Harry Potter, on rentre à l'auberge qui ressemblait plus à un squat qu'autre chose d'ailleurs, qu'on avait. Dans lequel on était hébergé, et il y a un mec qui nous parle tout et qui nous dit parce qu'on était habillé en Harry Potter, il nous dit ouais moi aussi je suis fan d'Harry Potter et tout, et du coup on se lance dans une discussion en anglais et on commence à débattre un peu sur ce qu'est Harry Potter et tout ça et sur le studio, l'évolution des studios parce 8 que, heures lui, plus tard non, le pire du pire, c'est ça qui est un fou, je me dis putain il y a un accent, enfin il a pas un accent anglais quoi, genre et je pensais qu'il était espagnol. En fait, il était français. Et là, donc, ma pote... Attends. Là, ma pote me parle en français. Je lui réponds en français. Et là, le mec, il me regarde. Il fait... Where do you come from? Et là, je la regarde. Je fais... From France. Et il me fait... Ah ouais, moi aussi, c'est bien ce que je pensais. Et je fais putain, en fois. Ça, et c'est genre, bon, ça. Quand t'es perdu, tu retrouves le pays à côté de toi. Que sa collègue était française aussi. Et qu'on le savait. Et qu'en fait, elle était à côté. Elle était... pété de rire, elle nous a regardé, elle nous a dit ouais j'ai rien dit parce que de toute façon vous aviez l'air de bien vous débrouiller. C'est tellement bon. Et par contre le mec pensait vraiment que j'étais anglaise. Ah bah c'est bien, c'est plutôt oui c'est que t'as, bah, t'as moi j'ai dit moi, ça me bat quoi genre c'est niveau Laura ce stade là. Ah oui c'est niveau Laura exactement. Non je pense que Laura a un peu beaucoup plus bel accent que moi. Ah parce qu'elle a passé 6 mois en Angleterre. Mais n'empêche on pense même si c'est un français mais qui te pense anglaise c'est déjà bien. Ouais, on m'a jamais fait la confusion. Hein. Moi non plus, c'est étonnant. C'est dingue. Il avait un problème d'oreille éventuellement. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai que moi, une fois, mais le mec était sourd. Non, par contre, le pire, c'était quand on a voulu avoir une discussion avec le russe qui était dedans, on n'a rien compris à ce qu'il a dit. On lui a dit ok. Ouais. Ça se trouve, il vous disait des choses malsaines. L'accent russe en anglais, mais c'est affreux. Ah bah ouais, je veux bien le croire. Ouais. Ça doit être marrant pour nous en tant que français. En tout cas, merci. En fait, t'as constamment l'impression d'être agressé. que le mec il c'est un mafieux de ouf et que il va sortir un flingue dans 5 secondes. Il est juste russe en fait. C'est en plus il est russe allemand. Le pire c'est qu'il est juste russe, toi. C'est le russe gentil. J'ai une dernière anecdote super marrante parce que celle-là franchement. Allez vas-y. Niveau poisse, elle est pas mal non plus. Genre en fait on était parti en randonnée d'environ 10 km avec mes parents quand j'étais gamine et genre il y avait un grand chemin et tout le monde passait à gauche de ce chemin. Moi j'ai dit pourquoi tout le monde passe à gauche, c'est totalement débile. Outsider. Ouais mais là tu lui cherches, si t'es passé à droite tu l'as cherché. Pas... Oui ouais mais j'avais pas compris encore le truc. Mais genre je me dis ça, enfin c'est chiant, il y a de la boue et tout, j'ai passé dans l'herbe quoi. Ouais. Sauf que l'herbe en question c'était en fait du cresson et ça faisait un mètre le trou d'eau d'un mètre en fait. Et je suis tombée dedans mais comme une merde. T'es tombée dans du cresson. Pas... Mais oui. Non mais c'est bien parce que c'est assez original quand même comme T'es tombée dans une salade. Tu te rends compte? De l'eau et du cresson. On t'a fait la vinaigrette. Pour une con parce que du coup tout le monde passait de l'autre côté pour une raison en fait. Bah oui. Mais je veux pas faire comme tout le monde. Je ne suivrai pas le troupeau. Non. On se demande pourquoi le troupeau avait pris l'autre chemin. Voilà, mais tu vois, à être trop original, des fois, bon, c'est à voir. C'est vrai, Mais au moins, leçon de vie. Pour le coup, alors d'une, les gens ont dû te regarder en se disant, ah tiens, prends un autre chemin, tu vois, tu t'es fait. Oh, c'est ouf. Et de deux, tout le monde t'a vu tomber et du coup, t'as été le centre d'attraction. Pour bien faire, c'est que j'avais pas un pantalon noir, j'avais un pantalon marron, donc ça se voyait bien. Ah bah oui, non bah évidemment. J'étais trempée comme une souche, j'avais l'impression d'avoir fait le grand splash, quoi, genre. C'est comme ça qu'on attire les gens. C'est... En tombant dans les trous. C'est vrai, sauvez-moi, monsieur. Ouais. Non, c'était mais toute une aventure de tomber dans le trou de cresson, alors. Hein. Non, mais ouais, voilà, mais en fait, tu vois, il y a des gens qui sont super courageux, qui se plantent dans des trous d'obus. Bah, moi, c'est les trous de cresson. Il y a peu de gens qui peuvent se targuer d'être tombés dans un trou de cresson. Et pourtant, nous avons un spécimen ce soir. Elle s'appelle. Elle s'appelle Cindy. On va aller au bout du monde. On part à l'aventure ce soir avec l'Isovola pour la musique. Et dans un instant, on va parler un petit peu rapidement des peurs de chacun, parce qu'on a beau être aventurier, on est aussi peureux sur Indestar. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Ah bah oui, on est bien tous ensemble sur Indestar pour passer cette soirée de lundi. Ensemble pour parler d'aventure et d'aventure. Et d'aventure. D'exploration. Et de peur. Et de peur. D'aventure. Oui, parce que... Et de chevaux. Qui dit aventure... Ah non, juste de peur. Dit peur, parce que oui, on a peur de certaines choses, même si on est des grands aventuriers. Vous avez entendu le récit de Cindy à l'instant. On tombe dans du cresson. Je veux dire, c'est dangereux. C'est dangereux le cresson. J'ai peur du cresson. Ne mangez pas ça chez vous. Attention au cresson. Mais Cindy, il y a des choses dont tu as plus peur que le cresson. Oui. Comme par exemple. Eh ben, comme par exemple, je suis le chardon. Parce que le chardon, ça pique. Je suis claustrophobe, c'est-à-dire que j'ai peur de tous les endroits un peu trop étroits, trop renfermés. Ouais. Et voilà. Par exemple, typiquement, dans la visite de Verdun, j'ai pas pu rentrer dans les tranchées de Verdun parce que dans les galeries de Verdun. Parce qu'il fait noir. Trop aiguë pour moi. Ah. Non, ça c'est une autre peur, ça. Bah, en vrai, j'ai peur du noir aussi, donc voilà. Peur de noir. C'est lié. Tu sais. C'est un combo. Ah oui, non, mais peut-être, oui, dans un sens, oui, parce que, enfin, quand ça fait peur. Ouais, parce qu'en fait, du coup, je me suis retrouvée face à un truc super étroit. En plus, il faisait tout noir dedans, j'ai fait yolo, les gars, j'y vais. Ah, c'est un combo. Alors, question, qu'est-ce que tu foutais là-bas ? Énormément le vertige. Ouais, ah oui. Oui, on en parlait hors antenne. Parce que, alors, c'est vrai que le vertige, moi, j'avais entendu vraiment la différence qu'il pouvait y avoir entre le vertige et la peur du vide. La peur du vide, c'est t'es à 10 mètres, t'as peur du vide, mais ça. Enfin, t'arrives à le contrôler quand tu y reviens régulièrement. Alors que le vertige, c'est vraiment autre chose. Bah, le vertige, c'est vraiment, oui, la peur panique. Panique du vide, en fait, mais irrationnel. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau ne fait plus la différence, en fait, entre ce qui est vraiment dangereux et ce qui ne l'est pas. Mmh. Genre, par exemple, moi, je ne peux pas monter sur un escabeau, ou on en parlait tout à l'heure, je ne peux pas monter sur une échelle de piscine. C'est ça. Alors que pourtant, t'es à un mètre du sol, donc c'est pas un danger. C'est juste qu'effectivement, c'est une peur panique qu'a ton cerveau, parce que... Du coup, on va pas à la piscine. Tu fais pas de piscine. Non, du coup, j'ai une piscine enterrée. Ah bah voilà. Bah tu tombes dans la piscine, tu vois. Ça solutionne le problème. Je n'ai plus d'échelle à monter. Ah, mais quand tu remontes de la piscine pour aller sur le bord. Ah bah remonte sur le bord comme. J'allais dire comme un cachalot échoué, mais. C'est des marches et j'ai pas peur des escaliers. Ah oui, des marches, ouais. Ah ouais. Attends, elle a une pente douce. C'est une plage en fait. Non, par contre, véridique, première fois que je suis allée dans la piscine, ça c'est encore une aventure et une poissarde pas possible. En fait, il y a genre, ça fait comme si le fond est. Quand tu regardes, ça te fait une illusion d'optique, ça fait comme si le fond était plat, mais il y a une légère pente. Ah oui. Et je me suis cassé la gueule comme une merde, je me suis retrouvé le cul au fond de la piscine. C'était n'importe quoi. Bah, ouais, ça arrive voilà. Malheureusement. Mais oui, c'est vrai que dans une piscine, t'as l'impression des fois que c'est plat et en fait, tu t'enfonces quand ouais. Tu sais pas nager. Ça peut mettre ça peut donner la panique à ceux qui savent pas nager parce que t'as l'impression que tu ouais, vas ouais. Continuer et que ça va et en fait d'un seul coup tu te retrouves et t'as plus le pied là, et là tu peux paniquer. Bah, surtout que là ça fait une sacrée différence quand même parce que t'as environ 2 mètres sur la partie la plus haute et, ouais. Et 90 de l'autre. Ouais c'est ça. C'est ouais. Souvent ça en plus. C'est ça. Ah et puis 2 mètres ça fait quand même 1m50 de plus que moi donc tu j'ai pas du tout pied. T'as un dénivelé. Ah, ouais, ouais. Ouais. Moi ça fait pas. Ça fait non, pas toi ça va. Plus que moi. Mais... Teddy. Après, bon, quand on est un nain, voilà. Mais... Ouais, bah ouais. Teddy, tes peurs, tes phobies d'aventurier? Bah en vrai j'en ai pas tant que ça wow. Ou alors non vraiment parce que vous le savez tous ma peur principale c'est les papillons mais c'est vrai que dans les aventures il y a pas souvent de papillons clairement oh bah, c'est après pas, je me dis bon, les papillons t'en as partout quoi bah pas tellement les papillons en fait, nuit bah, non même pas les même les jours mais tous les papillons ouais, non mais dit... je veux dire les papillons de nuit tu peux en croiser quand tu fais du camping ou quand tu vas dans les forêts ou ce genre de trucs ouais mais bah, j'en croise quasiment jamais enfin bah, j'ai pas, ouais. Pas dans les aventures. Moi je me les prends en pleine poire. Bah ouais. Ou alors je suis trop alcoolisé pour. Non, en plus, non. C'est con un papillon. Je veux dire, t'as de la lumière, mais t'as oui, les papillons qui font des dedans, rondes. J'ai pas souvent ça. Par contre, c'est vrai que j'ai développé une genre de petite peur. Il éteint la lumière, toi, tranquille. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, du coup, j'ai pas peur du noir. Ça, c'est sûr. Non, t'as une autre peur. J'ai développé une légère peur, mais je sais pas si elle est fondée ou pas au final. Ah, mais parce c'est que pas forcément fondée une peur. Oui, non, mais je sais pas si elle est vraiment là ou pas. Je l'ai développée par rapport à un jeu vidéo qui s'appelle Subnautica. J'en avais peut-être déjà parlé dans une émission PK Avenger ultérieure. Alors, c'est un jeu vidéo où tu vas sous l'eau, c'est ça? C'est un jeu vidéo oui, où tu explores une planète qui est entièrement recouverte d'eau. Ouais. Et toi, tu dois survivre dans ce milieu aquatique okay. En tant qu'humain. Et tu n'as pas d'outils pour te défendre ou quoi que ce soit. Du coup, toutes les créatures que tu vas rencontrer peuvent potentiellement te buter. Ah, alors, oui. C'est un cas classique de beaucoup de jeux vidéo où tu peux mourir à chaque fois. Ouais, mais voilà. Tu t'y attends pas et tu vois pas le danger arriver. Bah ouais, quand t'es dans l'eau, déjà tu t'occupes de ton oxygène, tu t'occupes de trouver à manger parce que tu cherches des petits poissons à manger, enfin voilà. Ouais. Et là, tu vois une créature qui t'arrive. Ah, mais. Ah putain, non, j'ai. Non tais-toi, calme-toi. C'est vrai, pareil, on en parlait hors antenne, mais moi, c'est la peur de rester coincé sous l'eau. Alors, ouais. J'ai eu cette peur par Flipper le Dauphin, où il y avait un épisode où le mec restait sous l'eau coincé. Il n'y avait plus d'oxygène et à me remémorer, il y a aussi autre chose qui m'a donné cette peur-là. Il fait flipper, Flipper. Il fait flipper, Flipper. L'autre chose, c'est le jeu vidéo Sonic. Quoi? Il y a un niveau. Ah, mais oui, il y a un niveau, t'es sous l'eau. T'es sous la flotte, là. Exactement. Et tu dois reprendre de l'oxygène régulièrement. Parce que sinon, t'as un compte à rebours qui fait. Alors, dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des. À chaque fois, les niveaux sous l'eau, de toute façon, c'est vraiment pour faire chier les gens. Ah oui, parce que ça sert à rien. Que tu dois penser à ça en plus du reste et de tous les méchants, etc. Et t'as toujours cette peur de manquer d'oxygène. Et t'es là, 3, 2, 1, et là, tu prends. Et hop, ça va mieux. ça fait vraiment ce bruit-là. C'est Sonic qui fait ce bruit-là, que veux-tu. Mais oui, je pense que c'est ces deux choses-là qui, enfant, m'ont fait dire « Ah, attention, c'est dangereux, le sous-l'eau. » C'est pas faux. Tu sais que j'ai un de mes oncles qui s'est retrouvé encerclé par la mer quand la mer remontait. Ah oui, pas... Il a failli se noyer. C'était marée haute. Ouais. Bah ouais. Ah. Non mais tu sais genre au Mont-Saint-Michel ou des coins comme ça, tu peux, ça va très vite. Ouais, j'ai vu le phénomène, c'était assez sympa. C'est les mers normandes, donc ouais. C'est des mers qui remontent très vite. C'est ça, ouais. Quand tu vas à l'île de Noirmoutier, pour ceux qui connaissent, tu peux emprunter le pont et tu peux emprunter ce qu'on appelle le Goua et qui est une route sur l'eau. Submersible. Voilà, submersible. C'est-à-dire que quand c'est marée basse, tu y passes. Quand c'est marée haute, tu peux plus y passer parce qu'il y a de l'eau. Bah, tu tentes. Sauf à la nage. Sauf à la nage. Mais tu peux y aller quand c'est marée basse, à certaines heures des marées. Et t'as des. Ce qui fait flipper, c'est que tu sais, c'est un peu comme quand t'as les croix au bord de la route sur une route dangereuse où tu te dis, ouais, il y a des mecs qui sont morts à chaque virage. Bah, là, en fait, quand tu passes sur le Gouas, tu as les. Risque de noyade. Alors, déjà, oui. Mais en plus de ça, tu as des tours sur lesquels tu peux te mettre si tu te fais surprendre par la marée. Des tours de refuge. Ouais. Mais ta voiture. Mais oui. Mais moi que je me mets pas ma voiture. Bah ouais, non. Je suis désolé. Si tu sauves moi, tu sauves la voiture. Parce qu'il y a rien en plus pour monter la voiture sur la tour, tu vois. Et c'est étonnant. c'est étonnant. Mais moi je ah non, t'imagines, t'es sur la tour. Déjà, tu vois ta voiture. Rien que de voir la tour, alors qu'ils sont belles, hein, c'est une des images de Noirmoutier, tu vois ces tours du Gouas, mais en vrai c'est flippant. T'es sur la tour, donc déjà quand tu vois ça, tu dis oh là là, il peut m'arriver ça. Et t'imagines que tu te fais surprendre par la marée, t'es sur la tour et tu vois ta voiture couler. Ah non. C'est beau. Ah c'est non. C'est beau. Ah c'est beau. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup Théo qui pense à la voiture, genre. Bah sûrement. Ouais, personnellement, je le comprends parfaitement. je suis pas autant fan de Théo que de voiture. Franchement, mais fan de Théo de voiture, j'ai pas compris. Non, je suis pas autant aussi fan que Théo de voiture. Que Théo de voiture. Okay. Mais ma voiture, je ne la laisserai pas non plus. Je ne peux pas. Bah c'est pas possible. Pas. J'abandonne pas quelque chose. Autant ta copine. Ouais, oui, parce qu'elle nage. Elle. Ma voiture elle nage pas. Elle flotterait. Elle flotterait parce que. De toute façon, moi, toi, tu tirais à d'autres chevaux, toi. Tu tirais sur un cheval. Oui. Ah non, j'emmènerai jamais mes chevaux dans un lieu aussi dangereux. Ouais. Et tu disais, ouais, ta voiture. Trop peur de les perdre. Ta voiture, elle flotte. C'est ça que t'as dit. Ouais, parce que ça s'appelle Corsair. C'est tu la mets à l'envers, tu mets un petit drapeau, allez hop, c'est parti. C'est une Opel Corsair. On vogue. C'est ça. Et on devient pirate. C'est oui, c'est ça, ouais, c'est une Opel Corsair. On part à l'aventure. Une Corsair. On va aller piller des Punto et des Picasso. et toi, Daniel, ah, bah, t'as. Dire, j'irais piller des Ferrari, quoi. Ah, bah oui, autant faire les choses bien. Toi, Daniel. Ah, autrement, tu prends une coccinelle, comme ça tu voles avec la coccinelle. C'est pas bah, faux. Voilà, bah, voilà, parfait. C'est pas faux, c'est pas mal. Et... Une Fiat Panda, peut-être. Non, non, ça vole pas les pandas. Et oh. si t'es dans une cité, tu prends une Kia, comme ça tu peux dire qu'est-ce qu'il y a. J'aime beaucoup. Daniel, des peurs, des phobies. Alors moi, je vais rejoindre un peu Sidney, je dirais que je suis un aventurier d'extérieur. Ça veut dire quoi, ça? Ah bah, c'est-à-dire qu'il est, bah, tu es claustrophobe? Pas vraiment. J'ai une grosse manie quand j'arrive quelque part où je connais pas, je... Tu casses tout. Bah, je regarde par où on sort. Ah ouais? Où se trouve la sortie? Ah, mais c'est un peu de la claustrophobie pour moi. C'est de l'agoraphobie. Ah, c'est de l'agoraphobie, ouais. Ah, c'est de l'agoraphobie. Ah, c'est exact, parce que je supporte pas la foule non plus. Ouais. Bah, alors moi, c'est ça. La foule, j'ai du mal à supporter. Quand il y a une trop grosse concentration de monde au même endroit, bah, je me sens pas bien, je me sens oppressé et il faut que je me dégage de cette situation. Voilà. Et donc, bah, j'ai cette manie quand, par exemple, on me propose de visiter. Alors, un château, ça va parce que c'est assez grand. Ouais. Mais si jamais, bah, comme ça s'est produit. Étant plus jeune, aventure dans genre de labyrinthe, etc. C'est arrivé des fois qu'on me surprenne pour venir m'aider et que je fous mon poing dans la tronche à la personne qui venait m'aider. Ah oui, carrément, hein, ouais. Donc n'aidez pas Daniel si il est coincé quelque part. C'est pas un bon plan. Non, mais il faut que tu fasses des labyrinthes de maïs dans les champs là, ouais. qui font. Bah, ça, c'est par cool, chez ça, nous, il y a le labyrinthe de Beaugency qui fait ça. Ah, et Rémiac mettent... aussi. Et tu sais. Ouais, mais attends, eux ils mettent la dame blanche. En tant qu'agoraphobe, ça doit être super dur à supporter parce que juste qu'en fait, c'est. Ouais, ça reste des maïs. Des lieux d'où tu ne peux pas échapper. Ou être secouru. Le principe du labyrinthe. Tout, ouais. Mais après, le fait que tu sois à l'extérieur, je sais pas. Ah non, j'y vais pas. J'y vais pas quand même. Hein. Ah ouais, tu vas pas. Non. Si surtout aussi. Qu'il y a des gars avec des tronçonneuses, quoi. Donc bon. Non mais en faux. Ah oui, mais oui, mais en faux. Mais même. Même. Ou alors je file tout droit à travers les maïs. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais tu. Voilà. Ah non, tu niques le game là si tu fais ça. En fait, Daniel ne ferait pas d'escape game, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Il y dirait. Non, mais c'est ça. En fait, ce qui est très drôle avec les. Enfin, ce qui est très drôle. Non, encore une fois, j'utilise pas bien à bon escient le terme drôle, mais vous. Mais si, mais si. Trucs. Mais en fait, genre. Qui est intéressant, on va dire, psychologiquement parlant, c'est qu'à partir du moment où t'es dans, ton cerveau est concentré sur quelque chose, il oublie un peu ses phobies. Et moi, par exemple, qui suis agoraphobe et claustrophobe, je peux faire des escape games. Parce que c'est parce qu'il faut de réfléchir à comment sortir. Ouais, t'es trop concentré sur résoudre l'enquête. Je suis tellement concentré sur les énigmes en fait à résoudre et tout ça que j'oublie que je suis enfermé. Ouais. Et j'oublie que je ne peux pas sortir. Ouais, non, mais j'oublie aussi que le lieu est exigu et tout ça. Ouais. Et le fait. Ah. Le fait est que ça coupe direct. Le fait est que. Merde. Ah. Parce que du coup le fait. Je suis revenu. Oui, tu es revenu. Le fait d'être avec des personnes qui elles ne paniquent pas en fait c'est un effet de groupe et ça rassure ton cerveau. Parce que c'est un peu comme si t'étais dans un appart à Paris quand même quand t'es dans l'escape game. Hein. Oui. T'es dans un 10 mètres carrés à 5 quoi. Non mais à Paris par exemple avec le coup du métro ça m'avait fait ça moi qui suis effectivement agoraphobe quand il y a trop de monde. La première fois que t'arrives dans le métro tu fais oh là là et tous les gens qui courent partout et tout ça tu te sens pas bien. Alors qu'en fait que quand tu le fais tous les jours et que t'es concentré sur autre chose, sur ce qu'il faut que je fasse machin et t'es dans ton monde, t'as ton petit baladeur, t'écoutes Anna Free tranquille, tu vois, voilà ce genre de choses. Et ben en fait tu penses pas qu'il y a tout ce monde autour. Et ça va beaucoup mieux. Ouais. Moi, la première fois que j'ai pris le métro, c'était à Londres avec ma pote, là, justement. Ouais. Et, encore Londres. Et genre, Faut pas prendre Londres. Faut pas aller à Londres. Ouais, alors d'ailleurs, traumatisme en plus. T'as été brexité quand tu étais. Non, pas encore. C'est quelques mois après. Mais quand j'ai pris le métro, en fait, à un moment donné, on s'est arrêté à une station. Et genre, je te jure, on s'est regardé avec ma pote, mais on n'était pas bien du tout, parce qu'en fait, le mec, genre, ils te disent « mind the gap ». Donc ça veut dire « faites attention, en fait, au trou qui est entre le quai et le métro ». Ah oui, oui. Et ils n'arrêtent pas de te le répéter en boucle, les gens qui sont à la station. Et c'est pas une voix enregistrée. Donc c'est une voix qui chante à chaque fois. Enfin, qui change à chaque fois. Ouais. Et genre, donc, on s'arrête à une station, la meuf chantait en disant « mind the gap », et tout, c'était super cool. Et en plus, c'est pas pour faire cliché, mais c'était une blague. Et généralement, les blagues, ils ont des super jolies voix, quoi. Elle avait une voix qui était super soul, en fait, et super agréable. Et du coup, on était en mode, genre, on montait dans le train en mode YOLO, c'est trop cool, tu vois. Et on descend de la trame de et métro. Et on tombe dans le trou. à l'arrêt suivant. Et il y avait du cresson. Et là, genre, deux salles, deux ambiances. Genre, j'ai regardé ma pote, je lui ai dit, mais c'est le retour du troisième Reich, là. Genre, le mec, c'est en mode, mind the gap. Ah ouais, c'est ouais, on robotique. On va mourir dans 5 secondes. Oui, mais il avait fait ça toute la journée, le pauvre. Ouais. Ah ouais, mais c'est pas le boulot le plus passionnant qu'il ait trouvé. Moi, j'avais l'impression, je te jure, j'avais l'impression que c'était un Allemand. On n'a rien contre vous, hein. C'est juste qu'on fait référence à l'histoire qui est pas forcément... Le point Godwin vient très vite. Oh, oui, voilà, mais... J'ai battu mon record aujourd'hui du point Godwin. Ah. Première journée de rentrée, je rentre en cours, 17 minutes avant de parler du point de la Seconde Guerre mondiale. J'ai battu mon score. Ah, c'est ton sujet de prédilection. Ouais. Ouais. De ouf. On va parler aventure parce qu'on continue de parler aventure ce soir hein, dans cette émission avec 5 grandes aventures du 20e siècle qui ont été réalisées. Ce sera juste après avoir écouté de la musique et on a mélangé des musiques ensemble pour n'en former qu'une, ou plutôt on a fait confiance à Paolo Monti pour le faire. You're My Dynamite sur Indestar, on fait tout exploser ce soir sur Indestar dans cette émission à la maison. C'est l'émission à la maison sur Indestar. Ah, le rythme des années 80 pour nous booster jusqu'au bout de la nuit. Les démons. Oh, je vais arrêter. Je vais pas te suivre avec ça. Non, ok, très bien. Vous êtes sur Indestar. C'est l'émission à la maison, c'est lundi soir et on parle aventure ce soir. Et je vais vous raconter le récit de 5 aventures du 20e siècle, donc de l'aventure de la découverte relativement récente. On va commencer dans mon histoire par la. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein. J'ai pas mis forcément dans l'ordre. Chronologique, tu veux dire ? Chronologique, exactement. Ah ouais. Je vais vous parler de la croisière jaune. C'est quoi ça ? Ah ah ! Croisière jaune qui est intimement liée à l'histoire de Citroën. ouais, non, bizarrement, j'ai trouvé. Même lors d'une aventure, ça tourne autour des bagnoles. J'ai trouvé un lien. Mais non, mais, forcément, c'est logique. À un moment donné, avec quoi tu t'aventures ? Avec une voiture, pas que, vous allez voir. Oui. Mais différents moyens de transport. Mais là, ouais, lié à Citroën, alors qui fait suite à la traversée du Sahara qui avait eu lieu en 1923 et la croisière noire en Afrique en 1924. Pour la jaune, ça s'est lancé en 1931. Alors, il y a monsieur André Citroën. Il fait tu as Tu l'as fait ? Ils ont fait la... Non, je l'ai pas fait, mais ils ont fait l'Asie, du coup, pour la croisière jaune. Parce que vu que la croisière noire, c'était l'Afrique. La croisière jaune, ils ont fait l'Asie, exactement. Exactement. Putain, c'est super raciste. Tu as défoncé son sujet. Oui, c'est raciste, effectivement. Pardon, je viens de défoncer ton sujet. Mais on est en 1931. En même temps, sur le drapeau olympique, la couleur de l'Asie, c'est jaune. Hein, donc ouais, je sais, mais... Oui. C'est la couleur d'Afrique, c'est noir. C'était un peu raciste à l'époque. Mais c'est raciste quand même. Si je vous dis qu'ils ont fait la croisière blanche après en Amérique. Oui. C'est pas lié au drapeau. Bon, bref, donc en 1931, il y a monsieur André Citroën, donc le patron de chez Citroën, qui décide de lancer plusieurs de ses auto-chenilles. Alors, c'était des voitures avec des chenilles sur la route de la soie pour effectivement leur faire traverser l'Asie. La mission, c'est prouver au monde entier les capacités, les qualités techniques des véhicules avec Citroën. Avec une chenille, oui, voilà. Alors, c'est pas des véhicules qu'on voyait sur la route, mais c'était... Alors, faut peut-être préciser, les chenilles étaient à l'arrière, et les roues directrices à l'avant, c'était quand même des roues. Hein. Ouais, il y avait des roues directrices à l'avant. Mais c'est vrai que c'est pas des voitures qu'on retrouvait, contrairement à d'autres constructeurs qui ont fait ça avec des véhicules homologués. Là, c'était des véhicules qui étaient conçus vraiment pour l'aventure. Mais ça prouvait, ça devait prouver la solidité des véhicules Citroën. Mmh. Et puis, ça devait aussi récolter le plus de données scientifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a parmi l'équipage toute une équipe cinématographique. Alors, ce qui est étonnant à l'époque, parce que c'était aussi pour assurer la promo, hein, très clairement. Ouais. Mais ils avaient du matériel de pointe. Ils avaient déjà, j'ai dit en 1931, ils avaient déjà 31, ouais, des caméras avec du son. Ce qui était, on était dans le début du cinéma sonore à l'époque, en embarquant comme ça sur la route de la soie, ils avaient des caméras avec du son. Donc c'était tout assez ça exceptionnel. Pour filmer des bagnoles, tout ça pour filmer des bagnoles, mais et de l'aventure aussi. Oui. Alors il y aurait eu Facebook ou Insta et ils auraient abusé, hein, parce qu'ils étaient vraiment à fond sur la promo. Mais fun fact, le mec qui dirige cette équipe de réalisation, qui va produire un film qui s'appelle André. Non, le film s'appelle pas André, c'est le mec qui s'appelle André, donc comme André Citroën, et il a pour nom de famille Sauvage. Oh, c'est beau! C'est bon! C'est beau! Pour de l'aventure, c'est bon! Voilà. Bon, sauf qu'il a été écarté du projet après parce que, à votre avis, pour quelle raison? Il était un peu trop sauvage? Non, c'est pas ça. Il était pas assez corporate. Il t'est pas assez patriotique, tu vois. En fait, on va lui reprocher, parce qu'il va monter le film à la fin, et on va lui reprocher de mettre trop de plans sur les populations et pas assez sur les Citroën, tu vois, par exemple. Donc il va être écarté, puis finalement ça sera le même réal que pour la croisière noire qui va faire le montage final, où là on a un bon commentaire en voix off bien patriotique, et on a que des vues sur les Citroën pour bien savoir que c'est une marque française qui a fait la croisière. Pour ce qui est d'un point de vue aventure, alors ils ont réussi à passer là où aucun autre véhicule n'était passé par là, donc ça c'est plutôt cool. Ils ont aussi réussi à atteindre le but de rejoindre Pékin, mais il y a quand même eu des hicks. C'est que les auto-chenilles ont été abandonnées en cours de route pour éviter les prises d'otages. Voilà, donc ils ont dû finir l'aventure en chevaux. Ah. En chevaux, Cindy. Ils ont abandonné leur véhicule. Du coup, oui. Avec Cindy, ils ont fini l'aventure avec Cindy. Du coup, on dit à cheval et pas en chevaux, même s'il y a plusieurs. D'accord, chevaux. À cheval. Ils ont terminé à cheval. Et puis, il y a eu le décès d'un des explorateurs principaux de l'aventure, un certain Hart, des suites d'une grippe. Il a eu une grippe et c'était doublé d'une double pneumonie. Donc, voilà. Et ils ont fait un super bel hommage en appelant une chaîne Arte. Non, je me dis que le mec, dans les véhicules, il y avait deux roues et il est mort d'une double pneumonie. Oh, c'est affreux. C'est de la bonne vanne. Voilà. Je sais pas. C'est de la vanne noire. Et la fille, je dirais même de la bonne vanne. C'est de la bonne vanne EGR. EGR, ouais. Elle est gonflée, cette fois. Elle est gonflée. Non, mais de toute façon, tout était grippé. Ne cherchez pas. Hein. On va arrêter là, peut-être, les jeux de mots avec la mécanique. Bon, ça n'a pas empêché quand même le succès de l'expédition et du film qui est sorti. Et il y aura une suite avec la croisière blanche. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec le Nord-Américain. Ce sera en 1934. Voilà. Donc, ça, c'était ma première aventure. Autre aventure qui a marqué l'histoire, c'était en 1927 et c'était en avion. C'était un certain Charles Lindbergh qui est américain, qui a 25 ans à l'époque et qui a traversé l'Atlantique en avion pour la première fois. Vous l'avez peut-être vu en cours d'histoire. En fait, il avait essayé, genre quelques jours avant, dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir de France pour arriver en Amérique, là où il s'est dit « Ouais, tout le monde va m'accueillir, ça va être génial, il y aura ma petite copine qui va m'embrasser, tout ça. » Non, bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, il a décidé de faire l'inverse, de partir de New York pour aller jusqu'au Bourget en France. Et ça a marché. Il l'a fait à bord d'un avion qui s'appelle le Spirit of Saint Louis. Voilà. Rappelle les sons. C'est pas très beau. Le Spirit of Saint Louis. Oui. Le Spirit of Saint Louis, tu vois. C'est le Saint Louis, peut-être. Ça fait un franglais dégueulasse. Ah, ouais, l'esprit du Saint Louis, ouais. Le mec avait pas de radio, alors, ni d'avion, ni de radio tout court pour écouter une des stars. Il a dû se faire chier quand même. Mais bon, il a parcouru 6300 km en 33 heures et 30 minutes. Et le mec, c'était pas un insomniaque. Donc en fait, il s'est assoupi plusieurs fois avant de se réveiller au dernier moment en frôlant les vagues. Il a risqué sa vie, clairement. Ah ouais, ça a été chaud. Ça a été chaud, mais ça valait le coup parce que grâce à son exploit et à sa notoriété, donc en plus du fait que maintenant, bah, on traverse l'Atlantique tous les jours, mais il a pu épouser la fille de l'ambassadeur américain au Mexique parce que voilà, voilà la réputation qui s'est fait, quoi. Ah ouais, mais attends, c'est con, il est parti d'Amérique pour partir en France. Il aurait dû faire... Bah oui. Non, mais après, il a fait... Mais il était obligé d'y retourner, mais il est con. Il est retourné, mais bah oui. Je sais pas comment il est retourné, d'ailleurs. Peut-être en bateau, il a peut-être. Ah, il a pas voulu retenter dans l'autre sens. Mais... Il n'est pas fou, il a pas fait le retour en avion. Non. Mais bon, par contre, voilà, l'idylle avait bien commencé, sauf que après, donc avec cette fameuse femme, ils ont eu des enfants. Sauf que il y a eu, enfin, le plus grand de leurs enfants s'est fait assassiner. Voilà, avec une enquête qui était bâclée clairement par la police américaine, ce qui les a frustrés suffisamment pour déménager en Angleterre et se rapprocher d'un parti nazi. Voilà. Oh non. Et ouais, je sais ça. Il a été même jusqu'à vénérer Hitler. Donc désolé. C'est une sacrée aventure. J'ai un peu sali son exploit, mais bon, là je suis aussi là pour vous dire ce qu'on vous dit pas à l'école, même si ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Voilà. D'accord. Point Godwin. Ouais. En parlant de froid, je vous emmène cette fois-ci pour l'expédition arctique qui a commencé donc au 19e siècle et qui se poursuit au 20e siècle avec un certain Roald Amundsen, c'est un Norvégien, qui a été le premier à naviguer de l'océan Atlantique au Pacifique. Ça a été entre 1903 et 1905, 2 ans quand même hein, d'aventure. Ouais. L'idée au départ, c'était de tracer une voie de navigation commerciale. Sauf que ça n'a jamais été le cas parce que trop d'icebergs, toi-même tu sais le Titanic. Hein. Ouais, c'est clair. C'est pas terrible. Mais au moins, ça a permis d'établir une cartographie détaillée des régions nordiques canadiennes et puis d'en documenter aussi la flore et la faune et d'en connaître les richesses naturelles. Voilà. Et puis c'est là aussi qu'on a mieux connu les Inuits. Le peuple, le peuple là-bas. Arctique ou Antarctique, je sais plus de quel c'est côté. C'est grâce à ces explorations Arctique, qu'on a. Arctique. Oui, Arctique, ouais. C'est grâce à ces explorations Arctique, qu'on a inventé. Arctique, les... c'est pôle Nord et Antarctique, c'est l'opposé sud. C'est le pôle Sud, ouais. Ouais. Non, c'est comme ça qu'on a inventé les tentiglous, j'imagine. Enfin, c'est ma propre histoire. Mais, ouais, t'imagines un peu les tentiglous, on les jette, mais eux, ils jettent pas les igloos hein, pour les. Ah bah non, ça fond tout seul. C'est pas une ouverture de seconde, hein. C'est clair. Non. Ils sont nuls leurs tentiglous à eux. Non, mais j'ai envie d'y croire à ça parce que perso, la cartographie précise de l'Arctique, je m'en fous un peu, mais autant les tentiglous quand tu pars en camping, ça sert, toi. Voilà. C'est pas un cercle vicieux, au moins. Non, c'est un cercle polaire. Et puis, toujours dans le froid, c'est au 20e siècle, et plus précisément en 1953, donc il n'y a pas si longtemps, que Edmund Hillary et Tenzin Norgay sont les premiers à atteindre le sommet du mont Everest. Et je trouve ça assez marrant parce qu'en en fait on est en 53, donc on est seulement 16 ans avant que le premier homme marche sur la Lune, quoi. C'est-à-dire qu'en 16 ans ils sont passés de l'Everest à la Lune. Pas mal. Ouais, pas mal. Ils étaient pas loin. Il y avait un gap, quoi. La différence, Hillary n'avait pas de fusée, c'est pour ça qu'il est resté en haut de l'Everest. T'as pas compris. Il y avait une vanne? Non, certainement. J'ai pas compris, je crois, ouais. Quelle était la vanne? Ça la vanne de GR. Mis à part Hillary, c'était hilarant, tu vois, à la rigueur, mais... Non. Je l'avais pas, là. Non, mais pas... il a pas pu monter plus haut, vu qu'il avait pas de fusée. Il avait pas de fusée. Ah, de fusée, j'ai compris, de fusil. Pardon. Il a pas été sur la Lune. Sinon, j'allais faire un truc historique, j'allais dire que vu qu'il y avait pas eu la guerre froide, il y avait pas encore eu de l'espace entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Bah oui. Non, mais c'est ça. Mais bon, déjà, l'Everest, c'était pas mal, et ce sont des Anglais qui ont réussi. La guerre froide. Oui, c'est, il faisait très froid, ouais, ce genre. Ouais, je disais, la guerre froide en haut de l'Everest, c'est logique. Hein. Bah oui, bah oui, évidemment. Ils font pas de guerre chaude là-bas ? Pour ceux qui sont dans le programme scolaire, la guerre froide, donc le conflit entre les États-Unis et puis le bloc de l'Est, avec le fameux rideau de fer, j'avais toujours l'impression que t'avais un rideau, t'étais. Ah, ouais. Ah, c'est solide ! Enfin bon, c'est. Voilà. Pourquoi ils font ça en fer ? Ils pourraient pas faire ça en tissu, c'est quand même ça, beaucoup ça plus simple. C'est quand même vachement c'est vraiment con. Hein. Ouais, ça. Bref, pour et revenir. Ils avaient pas assez de couturières, c'est pour ça. C'est ça. Pour revenir à mon aventure. Donc ce sont des Anglais qui sont partis là-bas et qui étaient une équipe complète, même un peu trop extrême, un peu suréquipée, parce qu'il y avait 350 porteurs, 20 Sherpas, donc les gens du Tibet qui étaient là-bas, des tonnes de provisions pour seulement finalement 10 alpinistes. Donc c'est un peu genre on sort de la grosse artillerie quoi. Ils sont partis à la guerre les mecs. Carrément. Bah en fait c'était l'idéologie, enfin la volonté de celui qui organisait cette expédition. Il s'est dit si on y va avec tous les moyens et beaucoup de monde, on va forcément y arriver. Et ils ont eu raison. Alors, mais ils sont arrivés qu'à deux. Alors oui, mais parce que je t'expliquais. Les autres sont morts en route. Non, c'est pas ça. En fait, bon, hein, déjà c'était des Anglais, donc ils avaient pas forcément l'habitude d'avoir autant de neige, donc ils se sont fait un petit peu surprendre. La violence. Et on se calme avec les Anglais. Ah, Laura est là. Je suis là. Ah. On a notre bilingue qui est avec nous. Salut Laura. Bah ouais, j'ai entendu dans mon oreille. Bah évidemment. Quoi, ça t'a connecté automatiquement. On juge les Anglais comme ça. Non, bien sûr. Tu me ramènes. Mais en Angleterre, on a plus de neige que chez nous, mais on n'est pas, c'est pas la Suède quoi. Et en fait, ils étaient par binôme et ils ont fait genre un plouf plouf et ils se sont dit bon voilà on va envoyer un premier binôme et puis si ça réussit pas genre s'ils sont morts on va en envoyer d'autres etc etc. Ils avaient prévu de la réserve quoi, donc en fait ils ont envoyé deux hommes, c'est génial, qu'on fait demi-tour parce qu'ils ont pas eu la foi pour aller jusqu'au bout, ils avaient froid. ils avaient trop froid et donc ensuite ils ont envoyé deux autres hommes, donc nos compères là qui ont réussi. Ils sont allés jusqu'en haut du haut de l'Everest et puis en descendant ils ont croisé leur collègue George et ils lui ont dit, et ça c'est véridique, eh ben mon George, on se l'est fait le salaud. Voilà, propos d'époque. Et en anglais ça donne quoi Laura? Ah bah en, et ben, attends, répète la phrase en français s'il te plaît. Eh ben mon George, on se l'est fait le salaud, hein. And well George, my George, non bastard. Ah, il y a le... Excellent. Ça fait plus un petit côté, tu sais. Ça a beau être un langage très cru chez nous, ouais. Chez eux, ça fait très... Ouais. Non, mais ça dépend, parce que là, j'ai un accent plutôt sudiste, mais si tu vas dans l'Angleterre du Nord, ouais. C'est plus trapu comme accent. Même l'accent écossais ou l'accent irlandais, t'inquiète pas, ça rôle comme ça. C'est un peu russe. Voilà. C'est un croisement entre l'Angleterre et la Russie. Enfin, pour terminer, on va se réchauffer un petit peu avec une aventure qui est encore beaucoup plus récente et qui continue d'ailleurs. Si je vous parle de jeune et de 4L, vous me dites... Comme si on allait comme si on allait répondre. Bah le 4L Trophy quoi. Non. Bon. Non. Bah si. Non. Je pensais que c'était une blague, mais là c'est vraiment problématique. Donc, ouais, c'est vraiment le 4L Trophy. Voilà. Bon. Bon, là on est pas dans le. Renault, mais ouais. Ouais. On n'est pas dans l'exploration, mais ça a le mérite de donner déjà le goût de l'aventure et des 4L. Hein. Un millier d'étudiants tous les ans, donc ça rentre bien dans notre thème du soir. Ils font quoi les étudiants là-dedans? Alors attends, je t'explique tout. 4L Trophy, ils font 4L. C'est des bacs L. C'est un raid solidaire qui a été créé par un certain Jean-Jacques Rey en 97, parce que ouais. Jean-Jacques Rey, lui, il avait participé au Paris-Dakar, et il s'est dit, bah tiens, ça serait bien de faire le même délire, mais pour les jeunes fauchés, et en apportant, pourquoi pas, un petit peu de matos aux habitants du Maroc. Donc il lance le 4L Trophy en 97, qui est un flop, parce que sur la grille de départ, il n'y a que 3 voitures. Voilà, donc ça commence mal. Ah ouais. Heureusement, en 2001, il y a l'école de commerce de Rennes qui s'immisce un petit peu dans le projet et qui va porter à 50 voitures au départ, donc en 2001, puis 460 en 2005 pour atteindre 1000 voitures en 2008 et un pic à 1450 voitures en 2017. Et zéro cette année parce que hashtag Covid. Hein. Waouh, la dégringolade est dure. Mis à part ça, normalement, le deal, c'est donc un binôme, une 4L. 6000 km au départ de la France vers Marrakech, ce qui veut dire traverser de l'Espagne, tu prends le ferry et puis surtout tu traverses le désert du Sahara. Ah oui, parce que j'allais dire c'est pas très amphibien, enfin amphibie. Ouais. Alors moi je connais une 4L amphibie, mais ça c'est un montage d'un copain, mais ouais, ça se noie bien ça, non? sinon effectivement non. Donc tu prends le ferry, ouais. Mais par contre après t'as les dunes de sable, donc tu traverses réellement le Sahara. D'accord. Pour arriver jusqu'à Marrakech et t'as pas de GPS. Donc c'est cool parce que ça forme aussi, enfin tu vois, nous notre génération qui est plus habituée à avoir des de cartes ou de boussole. Bah c'est ça. En fait, c'est vraiment une course d'orientation. T'as juste un roadbook et un GPS. T'es lâché dans la nature toute la journée et puis t'as un point de rassemblement le soir au bivouac. Donc voilà, on n'est pas sur de la vitesse, on est vraiment sur celui qui parcourt le moins de kilomètres pour arriver jusqu'au but. Et le but moi, est effectivement. Moi, j'espère juste qu'il y a pas de cresson. Normalement non. Ça va au Maroc. Il y a pas un trou de cresson, mais un trou de mer en fait entre. Si tu te plantes de côté, tu vois, t'arrives pile poil à la mer, c'est con. Ouais, bah ça tu le vois en principe. Ouais. Ah, puis l'idée globale, c'est de déposer les fameuses fournitures scolaires et sportives aux enfants du sud marocain à l'arrivée. Voilà. Ah, c'est un GoFast. Mais dans non. C'est, bah, c'est un autre sorte de du cam. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Étant fan de 4L, il y en a certains qui trouvent que ça les dégrade parce que bon, sauter des dunes, c'est pas forcément la vocation première de la voiture. C'est et puis par des jeunes faux. De 20 ans. C'est pas totalement voilà. faux. Mais non, mais en fait, perso, je trouve que ça fait plutôt déjà découvrir cette voiture à encore une autre génération qui la découvre pas forcément aujourd'hui. Et puis en plus, en plus, tu t'y attaches à la voiture parce que tu vis vraiment une aventure. Ça fait partie de l'équipage. Tu t'achètes une 4L. Pourquoi quand pas t'es étudiant. Bah oui. Et en bac L. C'est ça. Et je relèverai pas. Et puis non, mais ça, le fait qu'il y ait plus de 1000 4L qui partent chaque année dans le désert, ça a permis aussi la refabrication de nombreuses pièces. Donc en fait, aujourd'hui, pour faire une restauration de 4L, tu galères pas à trouver des pièces parce que t'as aussi toute cette refabrication qui est faite aussi pour les gens qui partent au 4L Trophy. Donc voilà. Et puis comme tout bon rallye, d'un point de vue écologique, vous pouvez dire oui, c'est pas le top et on peut finalement transporter du matos en polluant un petit peu moins. Sauf que faut pas c'est oublier pas non plus la dimension humaine et mécanique de ce genre de défi. C'est toujours pas faux. Et puis en vrai, si tu veux commencer par des gestes écologiques, commence par éteindre la clim de ta voiture en été, quoi. Voilà. Ça fera. Ouvre les fenêtres. Et ouvre les fenêtres. Ou alors mets pas la clim et n'ouvre pas les fenêtres en même temps. Le mieux c'est de pas mettre la clim et de pas ouvrir les fenêtres. Parce que quand tu ouvres et les fenêtres. Moi j'ai pas de clim, donc comme ça c'est fait. Exactement. C'est très écolo. Non, elle est fauchée. Elle est fauchée. Moi non plus, j'ai. C'est méchant. C'est tellement vrai. C'est vrai, mais c'est méchant. Voilà, donc 5 aventures qui se sont passées au XXe siècle. Évidemment, le XXIe sera l'objet de nombreuses autres aventures. Hein. Paris-Dakar, enfin, pas en période de Covid, évidemment. Mais... Paris-Covid, tu restes voilà. À Paris. Mais par exemple, il y a d'autres aventures qui ont lieu et qui alors, auront lieu. Oui, Daniel. Ceci dit, le Covid oui, pourrait être une aventure en lui-même. De quoi, pour les petites histoires de la 4L, dire que c'est quand même une voiture, là tu parlais par rapport au désert, oui. Il faut savoir que les frères Marot, parmi les premiers Dakar, ont fini sur le podium avec une 4L. Hein. Exactement, c'est la deuxième édition du Dakar et ils sont arrivés troisième je crois, deuxième ou troisième. Oui, il me semble que c'est sa troisième, oui. Ouais, sur le podium avec une 4L. Mais la 4L a l'avantage d'avoir des suspensions hautes et d'être très légère, donc en fait même quand elle s'embourbe... Dans le sable c'est facile. Tu peux facilement la dégager. Alors qu'une Ferrari, tu vois... Une Ferrari, ça le fait beaucoup moins. Ça coule direct. Et puis quand t'es étudiant, c'est plus facile d'acheter une 4L et des pièces de réparation qu'une Ferrari. C'est pas faux. Il y a le terme budget aussi qui rentre en jeu dans cette aventure. Parce que bon. Voilà. Ou alors la Ferrari, tu l'as au 1/43, mais là, bon, t'en fais pas grand chose. C'est clair. On va parler avec toi, Daniel, des aventures oubliées, des aventuriers oubliés, ceux dont on parle le moins dans un instant. Et avant, on a Russell McCann. Oula. Who's Laughing Now, la reprise d'Avamax sur Indestar. Dans cette émission à la maison, du lundi soir, on est bien et on s'aventure. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Et nulle part ailleurs, évidemment, comme tous les lundis soirs, toute l'équipe d'Indestar est là. Et plus l'heure avance, plus il y a du monde. Dans cette émission, on dit bonjour et bonsoir à Antoine. Salut Antoine. Salut. Hey, Antoine le requin, sur son image. Ouais, mais que sur l'image. Oui. C'est même pas un requin, c'est un mégalodon. Ah, pire. Parce que tu nages bien, Antoine ou... Non, il nage quand même. Non, il a juste des bonnes dents, tu vois. Que vous avez des grandes dents, Antoine. Il y a Laura qui nous a rejoint aussi, Daniel, Cindy, Teddy et Théo. Voilà, tous ensemble pour cette émission d'aventure ce soir. Et avec Daniel, on va parler des aventuriers inconnus, des aventuriers qu'on a oubliés. Ceux qui sont morts de manière suspecte. C'est ça, en fait, ils ont commencé l'aventure et puis pouf, ils se sont chiés dès le premier jour, ils sont tombés dans un trou de cresson et puis voilà. Je les adore, c'est mes idoles. Alors, je dirais que c'était un peu les aventuriers perdus de l'Arche. Ah, yeah. Référence à un film. Ouais, et on applaudit la foule en délire. Exactement. Clap, clap, des clap, beaux clap. Applaudissements, ça. Hein. Clap, clap, clap. Voilà. Bruitage de merde, clap. Ah oui, des aventuriers, il n'y en a pas que des célèbres, hein, il y en a des moins connus. Hein, ça c'est... D'ailleurs, à ce propos, le terme d'aventurier, savez-vous, en gros, à quelle époque ou de quelle nationalité sont ceux qu'on considère les premiers aventuriers ? Indochine. Les Vikings. Indochine ? J'ai entendu Indochine. Bah, moral, quand on touche à canne, non, c'est quoi? Non, on va remonter encore beaucoup plus vieux. Les Incas. Non. Les dinosaures. Les Payas. Pas si loin. Non, on va remonter à l'Antiquité grecque. Le pourtour méditerranéen. Ou par exemple, l'aventure. Les Amazones. C'était... Nikos Aliagas. Non. ou les aventuriers, par exemple, comme un certain Pythias, le Massaliot, lui a exploré les îles britanniques. C'est grâce à lui que Laura peut aller en Angleterre et Cindy peut se perdre dans le métro. Ouais. Voilà. Alors c'est grâce à lui ou de sa faute pour se perdre dans le métro, mais ça. L'histoire ne le dit pas. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Elle s'en est remise, elle est revenue. Ouais, tu t'es retrouvé, t'étais perdu, mais toujours t'es, là, toujours vivant. Toujours vivant. Je serais pas en France, effectivement. Alors, il y a effectivement aussi, parce que bon, je vais pas vous citer tous les Grecs, il y a eu Carthaginois. Ah si, il y en a un quand même qui a découvert qui s'appelle maintenant Marseille, Eutymène. Petit Mène. C'est un petit homme. Ouais, des petits hommes. Salomène. Voilà. Il y a le grec avec les frites aussi. Non, mais vas-y, continue. Ouais, il y a kebab aussi. Ça, ouais, c'est ça. Il a exploré la nourriture, d'accord. Non, effectivement, il y a un viking célèbre qui s'appelle Erik le Rouge qui a fondé la première colonie au Groenland. Ah ouais? Ouais. Ah oui, il y a pas longtemps, j'ai regardé un épisode de la série Viking et ils arrivent. Enfin, c'est mi-historique, mi-scénarisé et du coup, ils sont arrivés au Groenland et c'était une blague entre eux parce qu'en mode, il y a vraiment rien sur cette terre. Si on l'appelait Greenland, genre la terre verte, alors que vraiment il y avait que chi. Alors là, il devait quand même y avoir une dynastie parce que Éric le Rouge d'ailleurs. Vous savez pourquoi on l'appelait Éric le Rouge? Parce qu'il trucidait tous ses ennemis dans des bains de sang énormes. Justement. J'ai posé la question parce que je m'attendais à ce qu'il y ait ou Teddy ou Théo qui me fassent la réponse. Et ben non. Théo, c'est à cause de sa couleur de cheveux qui était. Tiens, je l'ai dit, il était roux. Merde, c'est beaucoup moins impressionnant. Oui, mais ils ont couvert ta réponse. Ouais, c'est pas fou, on t'a pas entendu. Mais Et c'est vrai qu'Éric Leroux, ça l'aurait moins fait qu'Éric Le Rouge, tu vois ça. Oh, c'est méchant, c'est méchant. Éric Le Rouge, c'est impressionnant. Est-ce que c'était pas lié au fait qu'Ed Sheeran remplit le stade de France. Hein. C'est pas faux. Ah, hey. Mais il est très bien. Il y a Cindy qui essaie de parler. Pardon. J'ai l'habitude. Non, faut pas avoir l'habitude. Mais nous aussi, on a l'habitude. Hein. Là, vous la coupez encore. Oui. Non, je posais la question de savoir si c'était pas lié au fait qu'il était meurtrier ou genre de truc. Non, c'est anglais. Par rapport à sa couleur de cheveux, en effet. Ah ouais. En fait, il était gentil, vegan, il respectait les humains. Peut-être pas exagéré. C'était un bon viking. Voilà, alors là, on avait quand même un peu une dynastie d'aventuriers, parce qu'il y a un de ses fils, je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom, qui s'appelait Leif. Il a inventé la bière. Comme ça. T'es en concurrence avec Corona à l'époque. Alors, s'il l'a pas inventé, peut-être qu'il a buvé, j'en sais rien. Ouais, c'est possible. C'est hein, pas faux. Et lui, a priori, il aurait été fondé des colonies à Terre-Neuve. C'est où ça, Terre-Neuve? Dans un pays qu'à l'époque, il s'appelait pas le Groenland, mais le Vinland ou le Vinland. Ah, le Vinland. Voilà, je pense que ça doit être Vinland en fait. Hein. Un mec avec une marque de bière. Qui va dans un Vinland. Ouais, c'est louche. Hein. C'est louche. N'est-ce pas? Alors après, il y en a un qui n'est pas très, très, très connu. Christophe Colomb. Il s'appelle... Là, on arrive sur un Portugais. Ah, Christophe Colomb. Il s'appelle... Non, voyons. Christophe Colomb, apparemment, il était génois, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est quoi, génois? Ouais. C'est qu'il était génois. Il vient de Gênes. C'était pas une génoise, hein. Ouais, bah, justement, je me suis posé la question. Non, allez, tous les grands aventuriers sont portugais, donc vas-y, envoie. C'est quoi ce que j'ai merde? Bartolo Meu Perestrello. Oh là là. Hein. Il a découvert l'archipel de Madère, mais c'est pas pour ça qu'il est franchement connu. Ah, mais c'est pour ça qu'effectivement, à Madagascar, tu parles portugais? Il parle pas portugais. Non, Madère, pas Madagascar. Ah non, c'est... Oui, à Madère. Ouais. Oui, à Madère, oui. Il parle malgache. Oui. Ouais. Mais à Madère, tu parles portugais? Je connais pas Madère, pour moi, ça existe oui, pas. Oui, Madère, vu que je connais pas. Bah si. Ouais. Bah moi je connais la sauce madame. Ouais, évidemment. Alors, c'était le beau-père de quelqu'un de très connu. Mmh. Un découvreur. Ah bah il était pas couvreur. Mais ouais, c'est le mec qui passe avant le couvreur. Tu refais la charpente. T'as toi qui est abîmé, t'as le découvreur. Bartolomeu Perestrello. Perestrello, ça me dit rien. Il avait le même nom ou pas? Bartolomeu. Ah non, il avait pas le même nom. Ah bah ouais, donc on peut pas. Ah ouais. On peut pas savoir. Alors, vous venez d'en parler, là, il y a quelqu'un qui vient de m'en parler. Christophe Colomb. Voilà, c'était le beau-père de Christophe Colomb. Voilà. Non. Oh la vache. Voilà. Okay. Voilà. Voilà. Le Portugal. Alors, autrement, moi j'ai une histoire qui est quand même très intéressante. Connaissez-vous le nom de la première femme qui a fait le tour du monde en bateau? Laura le sait, obligatoirement. Laura, si tu le sais pas, tu me déçois. Non, tu me déçois. Tout à l'heure, dans la conversation, j'ai mis Helen MacArthur, mais c'était avant. Ah non, c'est un petit peu c'est avant. C'est une Française, cette non femme, C'est une Française. Cette femme a vécu de 1740 à 1807. Ah bah, elle s'appelle Sophie, alors. Alors, elle a rejoint l'expédition de Bougainville. Ouais. Mais elle était déguisée en homme parce qu'à l'époque, ah, mais on avait le droit de... Bah voilà. Oui, mais souvent c'était ça. Barret. C'est Barret. Voilà, non, c'est ça. Jeanne Barret. Jeanne Barret. Sophie, Jeanne, j'étais pas loin. Elle était complètement barrée. Bah, merci. Voilà, on l'a barrée pour éviter qu'elle monte dessus. Et voilà. Elle a pris là. Elle s'est déguisée en homme. Son tour du monde a duré de 1766 à 1775. Ah ouais, quand même. 13 ans. Ah ouais. Oui, mais elle n'a pas fini l'expédition avec Bougainville. Alors, pour la petite histoire, oui. Quand l'expédition est arrivée à Tahiti, ce sont les Tahitiens qui se sont aperçus que ce n'était pas un homme, mais une femme. Attends, tu veux me dire qu'entre l'équipage qui la voit 24-24 sur le bateau et les Tahitiens qui la prennent, ils arrivent, ils se disent: mais attendez, mais c'est pas un homme. Putain, les gars, mais bien sûr que si, c'est un homme. Mais qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu racontes? Les mecs, ça fait 10 ans qu'elle est avec nous. Ils sont nuls. C'était ça. Ils sont nuls. C'est excellent. On va dire, elle avait quand même un complice à bord quand même, parce qu'elle avait été en quelque sorte embauché pour être le valet de, je crois que c'était son amant à l'époque. D'accord. Et donc, bah, lui a couvert sa présence. Et a priori, en effet, bon, il y en a qui ont eu des doutes quand même, hein. Les gens qui ont quand même eu des doutes. Mais vraiment, quand les Tahitiens ont dit, mais c'est pas un homme, c'est une femme, c'est là que la supercherie a été découverte. Ouais. Alors, c'est après, donc, elle a été déposée dans un... Au bûcher. Dans un port. Non, pas au bûcher. Ah non, ils l'ont abandonné là-bas. Après, il y a eu toute une histoire, mais elle a quand même bouclé son tour du monde parce qu'elle est revenue en France en finissant en contournant l'Afrique. Tu vas me dire, si jamais je fais un tour du monde et qu'on m'abandonne à Tahiti, d'une certaine manière, t'es pas trop perdant. Franchement, ça va, vaut mieux là qu'en Arctique. Hein. Ouais, clairement. c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Tiens, il y a un iceberg, on va te laisser là. Ouais, en pleine mer, tu sais, il te lâche, supplice de la planche. Voilà. Ouais, c'est bien, Tahiti en vrai. Ouais, j'avoue qu'elle pouvait pas mieux tomber. Tant mieux. Non, pas mal. Mais c'est bien qu'elle ait pu finir aussi. Ouais. Ouais, sinon, il y a quand même d'autres histoires qui sont assez extraordinaires. Vous connaissez tous l'histoire de Robinson Crusoe, écrit par Daniel Defoe. Ah oui. Ouais. Je pense que vous savez que c'est inspiré de d'une aventure véritable. Réelle, donc de quelqu'un qui a passé quelques années en solitaire sur une île. Mmh. C'était moi à l'époque. Oui. C'était toi ? Ouais, c'est... Ah oui, ça se voit tout de suite. À ma barbe. On sent ton envie de survie. Je me pose une question. Comment as-tu passé autant d'années sans être avec ta 4L ? Ah ! Eh ben, il était là-bas, en fait. Je m'étais construit... En fait, c'est qu'il l'avait garé en ville et il n'avait pas de boussole. Une carte s'est paumée sur une île. Je suis arrivé jusque sur une île, ouais. Ah, c'est ça. Non, alors, mais j'avais construit une 4L, là-bas, hein, en bambou. En bambou ? En bambou. C'est ça. Non, mais faut dire que Théo, c'est un aventurier, mais sans sa 4L... Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. C'est la 4L qui fait la vie. Il y a une histoire quand même qui est assez comique par rapport à ça. Enfin, comique. Avec le recul, parce que sur le coup... Drôle à la Cindy. Drôle à la Cindy. Sur le coup, ça devait être un peu moins marrant. Parce que... parce qu'il y a un blanc. Le monsieur qui s'appelait Alexander Selkirk, ouais. Il avait demandé, donc il avait demandé au capitaine du navire de faire certaines choses, certains travaux. J'ai pas réussi à trouver exactement quoi. Nettoyer le pont sur le bateau. Ouais. Ah. Nettoyer le pont, matelot. Ouais, pourquoi pas. Sans doute. C'est un cas classique. Non mais lui c'était un officier, donc je pense qu'il aurait reçu quelqu'un d'autre. Il a un balai. Mais le capitaine du bateau n'a pas voulu. Alors, Selkirk, il a essayé de faire de formenter une mutinerie, mais ça n'a pas marché. Il a demandé, comme il voulait plus naviguer sur le bateau, il a demandé à être débarqué sur une île. Ouais. Donc le capitaine, tout content, il l'a fait débarquer en se disant, le fouteur de merde, il sera plus là, on va être tranquille. Ah bah, donc lui, ce qu'il espérait, donc Alexander Selkirk, c'est quand même qu'il ait la chance. D'abord, un bateau qui passe pas trop loin, ouais, c'est quand même produit. Ah bah, il est pas passé trop loin, hein. Mais il est passé au bout de 3 ans, quoi, le bateau. Ouais, je crois que c'est 4 ou 4. Oh là là là là. Mais alors, pour la petite histoire, finalement, pire que d'attendre, il a eu raison. Parce que le bateau de son capitaine, il a coulé. Ah, il a cassé la totalité de l'équipage, c'est bonne pioche. Enfin, c'est destination finale le truc. Il a évité le drame. oui. Donc finalement, donc il avait complètement raison. Il a eu. Il a eu raison. Bon, enfin, il a eu raison. Je sais pas. En vrai, entre dans ma vie, couler avec le bateau et ça s'arrête là, ou attendre 4 ans sur une île de faire du stop pendant 4 ans, je sais pas ce que tu prends le bateau. Mourir noyé, c'est une des pires morts qui soit. Toi Cindy, tu choisirais quoi, le bateau, mourir ou l'île? L'île. Antoine, tu choisirais quoi, toi? Le bateau ou l'île? Tu choisirais le bateau et mourir noyé, ou l'île et peut-être potentiellement vivre toute ta vie là-dessus? On choisit l'île. L'île. Laura. L'île. Et je parle pas de la ville, hein. Ah, moi aussi je choisirais l'île largement. Et Daniel, toi aussi tu choisis la ville, l'île. Bah moi je choisis l'île, oui. Théo, il y a que Théo qui mais veut non, mais... mourir noyé, quoi. Non mais je me pose. Ah, mais attends, il y a des araignées sur les îles. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que sur le bateau ça va, tu vois. Pire, il y a des crabes araignées. Mais... qu'est-ce mourir noyé, c'est une des pires morts qui soit. C'est hyper douloureux et c'est très long. C'est pas très bon. Il y a trop de sel. Oui, c'est pas bon. Non, mais j'avoue que j'hésite parce que passer 4 ans sur une île, c'est une bonne retraite. Oh non. Ah, si, à la retraite, ils espèrent tout ça, passer à Tahiti. Ouais, mais à Tahiti, quoi. Sur une île habitée. Mais, c'est pareil. Là, Robinson Crusoe, c'est rude. C'était pas Tahiti, c'était non, une clairement. Île à environ, on va dire, 600 km des côtes chiliennes. Ouais. Ah, bah, il était pas loin. À deux pas. À la nage, ça se tente à la nage. Ouais, ça se tente. Petite longueur. Ouais, ça se tente. Allez, on fait la planche, 600 km. Hein? La planche, 600 km, ça passe. Bah, oui, évidemment. Ouais. T'en avais une autre? Ouais, ou la 4L en bambou aussi, ça flotte. Autrement, il y a un personnage réel qui a inspiré Jules Verne, notamment pour son personnage Phileas Fogg. C'est un franco-britannique qui nommé Henry Russell Kellogg. D'accord. Henry qui Russell. A fait plusieurs voyages autour du monde, qui a vraiment. Et pourquoi on se souvient pas de lui un peu... Parce qu'il a rien on fait d'exceptionnel. On se souvient pas de lui, mais Phileas Fogg, oui, on connaît. Il a été un peu vraiment partout. Attends, tu me dis qu'on se souvient pas, mais on le connaît. c'est Fogg, il a été oublié parce qu'on connaît que la fiction, en fait. Voilà, on connaît que la fiction. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, parce que ça a été repris par... Oui, non, mais ouais, c'est bien. Il a la notoriété à posteriori. Je m'attendais à des aventuriers qui ont échoué dès le début. Mais là, c'est des vrais aventuriers, merde. C'est le mec qui parle le lundi matin, déjà, il rate le bus, quoi. C'est ballot, quoi. Je voulais de ces aventuriers-là, mais où sont-ils? L'aventurier raté. Bah, peut-être. Peut-être dans la suite de cette émission, figure-toi, Teddy, peut-être. Parce que... Mais oui. On a un invité qu'on va recevoir dans quelques minutes. Ouais. Qui s'appelle... Monsieur Ledon. Monsieur Ledon. Et Monsieur Ledon qui vit dans la forêt en ermite, hein, un peu comme Robinson Crusoe sur son île, ouais. On va avoir l'occasion de lui poser quelques questions. Parce que c'est quand même pas banal d'avoir un mec. En plus, on l'aura en liaison directe, vous allez voir que la liaison se fait très bien. Et on va l'avoir en interview sur Indestar, interview exclusive hein, dans cette émission à la maison spéciale aventure. Et ça, c'est ce qui nous attend pour la suite. Et il y a encore plein de choses d'ailleurs qui nous attendent à la suite de cette soirée, parce qu'on aura le quiz, bien entendu, en fin d'émission, on va jouer tous ensemble. Et puis on aura Laura. Également qui va nous parler des 5 portraits d'aventurières, parce que oui, il y a des femmes qui s'aventurent loin de nos contrées. Bah, Madame Barret, exactement. Par exemple. Madame Barret. Ah, Madame Barret, effectivement. Madame Barret. Madame Barret, ouais. Elle a été très loin. Elle était très très loin, ouais. Jusqu'à se faire arrêter, comme de par hasard à Tahiti. Jusqu'à Tahiti. Daniel, voilà. Tu aimes la danse? La question. Pourquoi tu veux me faire danser? Bah, je me disais que tu pourrais faire un petit duo avec Agathe Bonin, parce que la personne avec qui danser, c'est le titre de la chanson qu'on écoute maintenant sur Indestar. Elle va faire son duo toute seule. Hein. Ah bah ça sera un duo. Un duo solo. Moins duo. Ouais. On écoute Agathe Bonin sur Indestar. Parce qu'on est con ou confiné. L'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Oh, ça va madame, un peu de respect, non? Bon, vous êtes sur Indestar, ça c'est sûr. C'était le jingle de Sandra. Et comme elle l'a dit, nous sommes dans l'émission à la maison du lundi soir. Nous retiendrons que cette information. Voilà. Avec toute l'équipe, nous voyageons ce soir. Nous partons à l'aventure. Et nous avons l'extrême chance, enfin, on va dire ça comme ça, d'avoir un aventurier dans. Alors, non pas dans les studios, mais au téléphone, hein, on va dire. Aventurier, monsieur London. Allô? London. Londo. Allô? Oui, ah, oui, il est. Là, l'aventure. Comment ça marche le truc on m'a dit que c'était la 5G. C'est un téléphone. Bonjour, monsieur Ledon. Ah. Bonjour. Vous êtes qui déjà? Alors, nous sommes Indestar, Radio Digitale Amboise, et vous? Vous êtes pas mon fournisseur internet? Non. Alors, en fait, on vous appelle ce soir, monsieur Ledon, parce que on s'était briefé hors antenne, il me semble. Mais ah oui, c'est vrai. On vous appelle parce que on aimerait bien, vu vous qui vivez depuis quelques années maintenant, apparemment dans la forêt, avoir votre ressenti. On a quelques questions, en fait, finalement, à vous poser sur votre mode de vie. Mais bien sûr, allez-y, si vous m'entendez bien, je veux bien. On vous entend parfaitement d'ailleurs, vous êtes où? Eh ben, je suis en pleine jungle amazonienne, j'ai fait ma maison de campagne, près du petit ruisseau là, qui s'appelle, comment ça s'appelle? L'Amazon. Ouais. Vous connaissez, non? Bah, je connais la boutique, ouais, mais Ah oui, bah c'est pas loin. Voilà. Exactement, oui, ils ont souvent des gens avec des colis, j'ai jamais compris pourquoi. C'est pour ça. C'est très sympa, c'est très beau. Ouais. Ça pique un peu, mais c'est beau. D'accord, et quel est votre environnement? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre environnement là autour? Alors là, dans l'immédiat, il y a un arbre. Et un autre arbre. En fait, il y a beaucoup d'arbres, bizarrement. C'est une forêt, quoi. Oui, c'est ça, c'est une forêt. J'avais oublié le mot. C'est une forêt avec un peu d'eau, quand même, au sol. Une sorte de rivière, ouais. Oui. Avant, j'avais des trucs qui s'appelaient les chaussures. Maintenant, bah, plus maintenant, parce que ça sert à rien. Vu que j'ai les pieds toujours dans l'eau. Hein. Yannick Noël le dirait très bien, ouais. Oui. Mm. Par contre, je me fais piquer souvent par des choses. Ok, genre des araignées. Bah, je sais pas. Bah, les araignées, ouais. ça flotte. Enfin, c'est. Ça flotte, des araignées? Oui, quand elles sont mortes. Ah oui, c'est effectivement, ça flotte bien. Certainement. Et alors, vous qui vivez, ça fait combien de temps d'ailleurs que vous vivez dans la forêt? Eh ben là, c'est ma 3e année. Mm-hmm. Avant, j'habitais au Groenland. Ça change un petit peu. J'avais envie de. Complètement. De climat un peu plus chaud, un peu plus tropical. Vous faites dans l'extrême. Oui. Bien sûr. Daniel? Mais alors, monsieur London est en 3e année d'Amazonie. Exactement, on peut voir ça comme ça. Et... Il va bientôt obtenir le diplôme d'Amazonien. Voilà, dans 2 ans, je compte immigrer dans un autre univers. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, alors déjà, d'aller au Groenland et puis après de passer en Amazonie? Je veux dire, c'est cette volonté de s'aventurer comme ça, c'est venu d'où? Alors, depuis que je suis tout petit, je fais partie d'un club très select, qui est le club des aventuriers de Bridgetown, en Angleterre. Ah ouais ? Ça se voit tout de suite à mon angleur, à mon accent anglais. C'est ce que j'allais vous dire, vous avez pas du tout l'accent, mais oui. Ah. Mince, on me le dit tout le temps, bizarrement. Vous dites Bridgetown. Ouais. Et ben, dans ce club, on est ému d'une volonté de découvrir ce qui est pas découvert dans des lieux déjà découverts. Attendez, vous pouvez la refaire là parce que... Eh bien c'est simple, là où je suis, il y a déjà eu plein de gens qui sont venus explorer. Oui. Et ils n'ont pas tout découvert, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Donc j'attends et je cherche. Vous cherchez quand même. Oui, des fois oui quand même. Mais est-ce que vous savez ce que vous cherchez? Parce que dans toute conquête, il y a eu un but. Eh bien non, je ne sais pas. J'attends de découvrir quelque chose qui n'a pas été découvert. D'accord, donc je ne sais pas ce que je peux découvrir. Aventurier qui a une quête sans but. C'est... Oui. Ah, non, c'est original. Et alors, quel est votre mode de vie là-bas? Je veux dire, comment vous êtes dans la forêt? Comment vous débrouillez au quotidien? Alors, bah, par exemple, pour dormir, je me fais un genre de... Ah, comment vous appelez ça? Un hamac, voilà, c'est ça. Oui. C'est comme ça que vous appelez ça. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et ben, je me fais un hamac dans les arbres. C'est très sympa. Mais ça tient pas très bien. J'avoue que je galère à faire les nœuds. Oui. Donc ça tient pas des masses. Vous avez pas appris à faire les nœuds de les lacets quand vous étiez en CP? Bah j'ai jamais eu de lacets. Non, j'avais des scratch. Non, j'avais des Adidas modèle. D'accord. Ouais. Mais c'est pour ça que oui, effectivement, le hamac en scratch fonctionne beaucoup moins bien. Bah oui, j'aurais dû en acheter un avant de partir, mais j'ai oublié. Donc bon, ouais. J'essaye avec les nœuds, ça marche pas très bien. Donc des fois, je dors sur des rochers. C'est plus simple. Faut trouver un rocher, c'est tout. Ouais. Ferrero. Non, rien. Ferrero? Oui. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça me donne l'appétit. Oui, pardon. Et d'ailleurs, vous mangez quoi? Comment vous nourrissez? Eh bien, je mange beaucoup de choses. Je mange des insectes, notamment. Ça m'arrive grillés, souvent. Grillés, les insectes. Hein. Oui, grillés ou crus, ça dépend. Non, alors justement, il faut les faire griller, les insectes, sinon c'est mauvais pour l'instant. Mais si, les bonnes larves... On peut mourir. Hein. Les larves des bois, c'est très... C'est très très bon. Sinon, il m'arrive souvent de manger du crocodile. Ah, c'est délicieux, la chair, ça... C'est comment dire? C'est tendre? Non. Non, pas du tout. Non, du tout. C'est tout le contraire de tendre, et ça, j'aime bien. D'accord. Donc, et comment vous chassez le crocodile? Parce que ça se laisse pas faire, un crocodile, à part les pulls Lacoste, évidemment. Alors, ça se laisse pas faire, mais il y a une technique imparable pour les chasser. D'accord, comment vous faites-vous? Eh ben, dès qu'il y a un livreur Amazon qui sort de son entreprise, ouais. Il se fait bouffer par le crocodile. Du coup, je peux lui sauter dessus pour attraper le crocodile. Ah oui, vous ça marche jouez à sur tous le les fait coups. Qu'en fait, il est rassasié quoi. Exactement. Mais finalement, Monsieur Lodon, vous pêchez au vif. Je quoi? Vous pêchez au vif. Je pêche au. Oui, au bien vif, sûr. Oui, évidemment. C'est... Ah oui, je saute vif. Dessus. Ouais. Quel est votre prénom d'ailleurs? Parce qu'on a votre nom, mais quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Monsieur Lodon. Smi Lodon. Smi Lodon. Ouais. Tel un dinosaure. Tel un dinosaure, oui, ouais. Ça vient de l'ancêtre du tigre dans ça. Ouais. D'accord, vous avez des beaux ancêtres. Oui, exactement. Non, mais on a tous, tu sais, des fois, t'as enfin, tu tiens d'une famille noble, etc. Vous, c'est un dinosaure. Non, mais c'est original. Oui. Mais dans ma famille, nous sommes aventuriers de père en fils. Ouais. Y a quoi, Daniel? Il y a des dinosaures nobles. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Oui, le Tyrannosaurus Rex. Oui, lui, on se souvient de lui en étant un carnivore. Il serait plus le bienvenu aujourd'hui avec le nombre de véganes qu'on a. C'était un bon copain à mon père, d'ailleurs. Bah, il mangerait du végan, en fait. C'est aussi simple que ça. Comme n'importe quel humain, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Ça doit être délicieux. Ça se mange bien, le végan. C'est ça, ouais. De corps à d'esprit. Et oui, c'est très très bon pour la santé. Bon, revenons sur votre aventure. Vous nous avez parlé d'un petit peu... dans quoi vous vivez, en fait, dans cette forêt? Vous avez une cabane? Vous avez construit une maison? Alors, vous avez... Non, je n'ai pas forcément de cabane. Je me construis souvent des hamacs parce que... Ah, genre des hamacs à la Belle Étoile, quoi. Oui, voilà. Et quand c'est souvent à la Belle Étoile. Alors, quand il pleut, je me construis un petit parapluie et que, que j'installe au-dessus. Parapluie, ouais, oui. Ouais. Ou alors, je vais l'acheter et je le commande par Amazon. Comme ça, je peux me le faire livrer. Ah oui, vous n'êtes pas contre faire appel quand même à la civilisation pour... Alors, il y a le livreur Amazon qui vient vous virer. Dans l'aventure, vu qu'il y a une entreprise pas loin... Oui, il faut en profiter. Voilà, c'est ça, l'art de l'aventurier, c'est de profiter de chaque chose, chaque opportunité. L'aventurier urbain, quoi. Un livreur d'Amazon qui passe, c'est une opportunité. Oui, on comprend bien. Ouais. Surtout que, des fois, je l'attends, mon parapluie, hein, il passe pas si tôt que ça. Hein. Des fois, c'est sur des tranches horaires de 8h à 18h. Bah, donc c'est forcément, une bonne fourchette. Ouais. D'ailleurs, des fourchettes, vous en avez pas? Vous mangez à la main? Non, j'ai une fourchette en bois. C'est très sympa. Alors des fois ça croustille parce que des fois je la mange, mais c'est pas très grave parce que c'est bon le bois. C'est très bon le bois. Ça pique un peu au niveau de la sortie, mais à part ça, C'est très très bon, ça m'apporte des fibres. Vous avez une... Oui, c'est clair. Vous avez une vie de rêve. Daniel, t'avais des questions, je crois, pour Monsieur Laudon. Ah oui, oui, oui, moi j'ai plein de questions. D'abord, moi, il y en a une qui m'épate quand même. C'est, on parlait de repérage, etc. Mais tout le monde arrive à se perdre. Les aventuriers aussi, parfois, se perdent. Ouais, sauf qu'ils restent toujours au même endroit. Par exemple, lui, hein. Voilà. Alors, par exemple, j'ai entendu une légende. Alors, à l'instar des marins qui utilisent l'étoile du berger, ouais, des aventuriers perdus ont rapporté l'histoire de la cigale du berger. Ah, la cigale du berger. Qui guide les aventuriers perdus. D'accord. Alors, Monsieur Laudon, je souhaitais savoir si vous aviez un jour, éventuellement, lors d'une expédition, vous êtes perdu, et si vous aviez entendu cette cigale du berger, et si oui, comment cette cigale vous guide ? Ah, la cigale chance, évidemment. Hein, c'est une question intéressante, parce que je ne l'ai entendu que en légende. Par contre, j'ai déjà vu le criquet du crépuscule. Le criquet du crépuscule, ça a l'air de nous faire rêver. Je ne connaissais pas cette légende. Ouais. Ouais, ça indique le nord, parce que ça saute toujours vers le nord, j'ai jamais compris pourquoi. Mais comment ils reviennent déjà sur leur pas ? Eh bien, ils reviennent jamais, c'est ça qui est étonnant. Donc en fait, ils font le tour. C'est assez marrant. Tu les attends, 14 ans plus tard, il est de retour, il a fait le tour de la Terre. Et donc du coup, quand tu vois le criquet du crépuscule sauter, tu sais dans quelle direction aller ? C'est sûr, ouais. Pas le nord ? Oui, bah ça dépend ce que tu veux faire. C'est pas faux. Ouais. Mais on évite le nord parce qu'il fait froid. Et... C'est sûr. J'ai vécu 2 ans en Groenland. C'est... Oh, oui, c'est en bon, même temps, cool. Vous connaissez. Oui. Il n'y avait pas grand chose à manger. C'était tout blanc, c'était moche. C'est le principe du Groenland. Je captais pas la 5G. Non, bah, c'est important pour vous, apparemment, la 5G. Hein. Bah oui, hein, c'est ce qui me permet d'avoir des contacts et de commander sur Amazon. Vous faites des vidéos, vous êtes youtubeur un peu ou pas ? Alors oui, ça m'est arrivé. Je faisais comme un de mes comparses, Bear Grylls, par moment, des petites vidéos de survie. Ah, mais oui, ça n'a pas super bien marché parce que... Vous n'avez peut-être pas le talent ? Non, c'est... non, je dis ça comme ça. Non, non, bien sûr que non. Voyons, j'ai beaucoup de talent. Mais bah, il ne se passait rien. Donc bah, théoriquement... Bah, c'est sûr, oui. C'était plat. J'avoue, alors c'est un nouveau concept hein, que vous avez inventé, l'aventure en restant sur place et en découvrant quelque chose que vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. Mais c'est vrai que c'est un peu moins passionnant peut-être pour les téléspectateurs. Ça doit être ça, ça doit être... Oui, ouais. Effectivement, ça explique pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de... Bon, vous y avez pensé, c'est déjà pas mal. Parce que sinon, j'avais de très belles images, ma caméra 4K rendait super bien. Tu m'étonnes. Daniel ? Oui, j'ai encore... De toute façon, j'ai plein de questions. Allez-y, je suis tout à votre écoute. À inviter, moi, je bouille de questions. Alors, tous les aventuriers rêvent de relever des défis, hein ? Alors, Monsieur Laudon, j'aimerais savoir, parmi ces 3 défis, lequel vous souhaitez relever ? Alors, le premier, l'escalade de la face nord du pic de l'aiguille du massif des Pointes. Mmh. J'en ai déjà entendu parler. Le deuxième défi. Hein ? C'est dur de faire un hamac là-bas, j'avoue. Ah oui, non, mais entre deux aiguilles, peut-être, à la limite. Hein, mais il faut bien faire les deux. Parce que ouais, sinon, il y a peut-être des aiguilles plus petites. Et si le hamac tombe. Ouais, je serais pas très rassuré. Ouais. Alors, la deuxième possibilité, la traversée du désert désertique du Krashambawa. Ouais. Celui où même une goutte d'eau seule et isolée ne peut survivre sans ravitaillement. Mais elle a l'air très désertique ce désert. Il paraît. Hey. Ou alors le troisième, alors là, j'ose même pas y penser. Le tour de la forêt d'Amboise, avec sa terrible traversée de la masse. La masse qui est le... En cours en puissant. Déjà. Aux impressionnantes chutes d'eau de plusieurs dizaines de centimètres. C'est ça. Je peux en rajouter une quatrième proposition, Daniel ? Bah oui, oui, tu peux, oui. Une sauce. Une sauce ? Bah, une sauce relevée. Oh, est-ce que c'était ce qu'on appelle une boutade ? Ouais, on appelle ça plutôt une blague, mais ah. Oui. Ah, j'ai perdu le langage un peu. Jones. Ouais. Bah non. Je bon, sais pas. Alors, allez-y, répondez à la question de Daniel. Alors, parmi vos 3 propositions, il y en a une qui m'interpelle. C'est cette fameuse forêt d'Amboise, j'en ai jamais entendu parler, ça doit être un lieu très reculé. Ah, c'est très très reculé. Ça doit être terriblement dangereux si personne la connaît. Alors, oui. les impressionnantes chutes d'eau, là, de plusieurs dizaines de centimètres, quand vous êtes au pied, il y a au moins de quoi se torturer une cheville. Minimum. Ah oui. Ah oui. Et en plus, il y a du cresson au bord. Hein. Du cresson ? Ouais. Comme dans la salade. Exactement, faut se méfier du cresson. Oui, faut faire très attention. Ce reste toxique, on en mange plus ? On mange plus de cresson ? Ah non, plus à notre époque, non. Ah mince, je vais arrêter de manger du cresson alors. Ok, et je serais tenté de dire la forêt d'Amboise, ça m'a l'air d'être très, très intéressant à explorer. Quelqu'un l'a déjà exploré ? Ouais, mais. On y a on, jusqu'à un peu. Personne l'a fait encore jusqu'à maintenant. C'est surtout qu'en fait, ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus. Exactement, ouais. Ah, ça m'intéresse un peu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Alors, si j'ai une bonne carte et un GPS, pourquoi pas? Ouais, mais attention, parce qu'il y a des trous noirs dans cette forêt. Et des rivières des avec trous, des chutes. Aussi. Question. Aussi. Je l'attendais. Toujours de l'aventure, Daniel, avec une autre question. Oui, alors il y a aussi le comment on pourrait appeler ça l'aliment miracle de l'aventurier qu'on appelle les racines de barbouza. Qui est alors, quoi? Oh oui, ça pique un peu ça sous la langue. Oui, mais alors il paraît qu'il y a plusieurs espèces. Il y en a qui sont plus riches en vitamine C, d'autres qui ont plus de potassium. Alors, monsieur Laudon, en avez-vous déjà mangé? Si oui, lesquelles? Et est-ce vrai qu'elles ont toutes des couleurs différentes? Par exemple, celle à la vitamine C serait orange. Est-ce vrai? Si vous en avez déjà vu. Alors, effectivement, j'en ai déjà mangé. Et oui, vous avez raison, ça change de couleur en fonction de là où ça pousse. Mmh. Des fois, c'est même à 3 mètres de différence entre deux racines et c'est même pas de la même couleur. Est-ce que vous changez de couleur en les mangeant, tel Casimir? Eh ben, j'aime bien me faire un petit arc-en-ciel, cette couleur dans l'assiette, parce que j'ai des assiettes. Ah, vous, oui. Vous posez des questions. Allez, une fourchette en bois qu'il a fonctionné lui-même, il a une assiette. Ouais. J'ai commandé des assiettes, mais j'ai pas commandé de couverts. Parce que ça. Les couverts, y a pas de promo dessus. Je préfère le bois en fait, des fois. C'est sympa comme goût le bois, donc c'est cool. Tout à fait. En plus, avec mes racines, ça les associe super bien. La roots. Donc, il y en a à peu près de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, et c'est plutôt bon. Après, en termes de valeur nutritive, je ne sais pas trop. Là, c'est plus trop de mon domaine. Non, je sais juste que c'est mangeable. Oui. Je pense que quand on est dans la forêt comme ça, on fait pas trop attention à la valeur nutritive. On fait pas sa fine bouche. Alors, ça va dépendre de quoi, effectivement. Par exemple, je ne raffole pas trop des œufs. C'est pas très bon, les œufs, je trouve. Ouais, il y en a moins comme ça, mais oui. C'est comme les crocodiles. J'aime beaucoup le crocodile, mais j'aime pas les alligators. C'est pas pareil. Oh, c'est la sous-espèce, quoi. Ouais, non, c'est pas pareil. Ça a pas bon goût. Ok, très bien. Une dernière question, peut-être, Daniel? Je dirais même deux, parce qu'il y en a deux que je vais encore poser. Vas-y, deux. Alors là, c'est encore une question avec plusieurs réponses. Alors, parfois, en tant qu'aventurier, on est fatigué, on ne peut plus avancer. Et puis, il y a des menaces qui pèsent sur l'aventurier fatigué. Alors, il n'est pas fatigué à son place. D'après vous, monsieur Laudon, quelle est la menace la plus terrible? La vision du Debilus profundibus, un animal mythique aux réactions imprévisibles, dont l'aspect hideux provoque une peur panique chez l'aventurier? Par chance, j'en ai jamais croisé. Bon. Je touche du bois comme ma fourchette. Peut-être que vous avez jamais été assez fatigué aussi. Alors, il y a le syndrome du qu'est-ce qu'il fouette, la sensation de tout ce que l'on touche. Sans mauvais, ou alors le syndrome le plus terrible, celui de Super Mario qui nous fait croire qu'on est tranquillement installé dans son canapé à jouer aux jeux vidéo. C'est marrant qu'on me parlait de Mario parce que j'ai un livreur Amazon qui s'appelle Mario. Ah, c'est assez comique. Très bien, merci pour cette anecdote. Il livre avec un carte? Je sais pas. Est-ce qu'il est plombier? Il est. Bah non. Il est livreur. Bah oui. Il était peut-être c'est pas plombier avant alors. Il peut avoir une double vie. Non, par contre, ce qui me parle beaucoup dans votre chose, c'est tout ce que je touche. Effectivement, ça pue parce que je suis dans la jungle amazonienne. Ça sent un peu. Je vis dans un genre de marais. Donc effectivement, ça sent pas très bon. Ouais. Et nous, ça nous fait marrer. Ça sent tellement pas très bon que j'ai l'impression de pas sentir très bon non plus. Ah, mais ça c'est possible. Alors pourtant, comment je fais vous des efforts. Bah, je me lave avec l'eau des marais, mais je mets un peu de parfum après. Pour ça. Et le parfum, vous l'avez chez Amazon aussi, c'est ça? Essence de glande anale d'alligator. Ok, donc on a compris d'où venait le problème. Voilà. Penchez-vous sur cette. Mais ça sent très bon, c'est très utilisé dans la cosmétique. Oui. Oui. Oui. Alors, quel est votre parfum, Théo? J'ai une dernière question vraiment existentielle, la question qui tue. Oui. Monsieur Laudon, je sais que je vais peut-être vous faire envie avec cette question-là. Vous ramenez aux douceurs françaises, mais monsieur Laudon, êtes-vous pain au chocolat ou chocolatine? Alors, cette question-là, elle est un peu piège, parce que je suis forcément pain au chocolat, bordel. Oui, dans les deux cas. chocolatine, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, voyons, ça n'existe pas. Vous êtes dans une région. Mais parce que, oui, vous êtes d'où à la base? Je suis de France. Oui. C'est un pays. Non, on connaît. Ah bon ah, bah, oui, on connaît mieux que vous, à la limite, parce qu'on y vit. Mais, ah, c'est pas faux. Je croyais que vous étiez du Groenland. Moi, j'ai rien compris. Non, il est passé au Groenland. C'est un aventurier, attention. Mais oui, je voyage. Il a fait multiples voyages, c'est-à-dire deux. Mais oui. C'est bien. Deux à deux endroits vraiment précis, quoi. C'est, ouais. Exactement. C'est des super voyages. Et à quel moment, pour terminer, à quel moment vous, enfin si c'est envisagé, hein, vous allez quitter le lieu où vous êtes actuellement pour partir vers d'autres aventures? Alors je comptais partir dans 2 ans à peu près, ouais. Pour tenter une nouvelle aventure dans un autre univers. Un univers impitoyable. Dans un univers impitoyable, effectivement. Je comptais essayer les îles de Pâques. Ah, les îles de Pâques, bah, oui. Allez-y en avril, ah. Il paraît que c'est très bien. Ah oui, c'est j'avais pas faux. J'avais mis les îles Caïmans, moi. Les îles Caïmans. Ah, j'ai jamais goûté de Caïmans. Je connais pas la différence entre le goût des crocodiles, alligators, Caïmans. Non, mais par contre, t'as pas que vous aurez des chocolats et vous qui aimez ça. Eh, c'est pas faux. Eh oui, faut y penser. Faut penser à ces gens-là. J'aimerais ça. Faire livrer par Amazon. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des objets à m'envoyer, envoyez-les moi par Amazon. Ils connaissent mon adresse, ils savent où j'habite. Tu m'étonnes, c'est pas loin. Exactement. Livraison gratuite pour vous. Merci le en tout cas, monsieur Ledon. Ouais. Oui, c'est ça. Et si vous voulez, je peux même vous envoyer du crocodile. Non, sans problème. Alors non. Mais on ne saurait qu'en faire. Mais c'est gentil de votre part. Hein. Mais de rien. Merci, monsieur Ledon, d'avoir été avec nous et d'avoir pris un peu de votre temps ce soir. En décalage horaire. Hein. Ouais, on imagine pas de problème. Oh, bah il fait toujours jour là-bas. Bah, bah oui, j'ai la lumière, donc ça va. Ah, vous avez l'électricité? Oui. Ah, bah évidemment, oui. Je l'ai piqué, j'ai fait une dérivation à Amazon. J'ai fait une dérivation. Vous êtes quel genre d'aventurier quand même? Parce que l'aventurier le plus urbain du monde. Je suis un aventurier de nouvelle génération. Ouais, bah c'est ça. C'est assez nouveau comme concept. J'essaie de découvrir. Ouais, j'entends bien. Mais c'est un peu l'aventurier tout confort en fait. Ouais, c'est l'aventurier flippette. Non. C'est pas de sa faute s'il y a un entrepôt Amazon à côté. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Oui. Mais oui, je profite de cette opportunité. Oui, certes. J'aurais pu m'installer plus loin, mais non. L'opportunité a fait que c'était intéressant mais ici. Mais lui aussi, il aurait pu s'installer plus loin. Oui. Ah bah oui, évidemment. C'est pas faux. Bon, merci monsieur Ledon. On vous dit à plus tard, hein, beaucoup plus tard, quand j'aurai changé de pays. On va passer à l'occasion, c'est ça. Pas de problème. Salut. Nous sur Indestar, on poursuit notre aventure du soir avec le quiz dans quelques minutes et puis Laura aussi qui va nous parler de 5 portraits d'aventurière juste après 20h02, un petit peu plus, 23h05 exactement. On écoute le titre Beer Pong sur Indestar, vous savez les jeux de... enfin ouais, les jeux d'alcool quoi. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Émission à la maison qui se poursuit au-delà de 23h évidemment, comme tous les lundis et les vendredis, et cette fois-ci, on a décidé de prendre notre petit sac à dos, à la limite notre, comment on appelle ça, c'est pas une canne, c'est un bâton de marcheur quoi, et de prendre la voiture une finalement. Une perche parce que de marche, s'il te plaît. Une perche à selfie aussi. Ça peut faire la même chose. Et d'aller à l'aventure un peu plus loin qu'à côté de l'usine Amazon, et notamment au féminin pour parler de récits d'aventurières, parce qu'il y a eu des aventuriers, il y a eu des aventurières, c'était plus dur à l'époque parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, avec encore l'exemple de cette femme qui s'était transformée en homme pour pouvoir embarquer sur un bateau qui fait le tour du monde, mais il y a eu des aventures féminines, n'est-ce pas Laura? Exactement, oui. Je tenais à mettre un point d'honneur au fait que les femmes étaient des aventurières et parfois plutôt qu'on ne le croit. Alors, je vais commencer avec Jane Goodall. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, peut-être pas. Mais si je vous dis que c'est la première primatologue, donc primatologue qui étudiait le comportement des chimpanzés, est-ce que ça vous parle un peu plus? Oui, on a signé au fond, il dit oui. Pas... Bien sûr. Évidemment, ça me parle. Oui, la planète des singes, non? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas ça. Quiconque du tout. Le film avec Sigourney Weaver, je me rappelle plus d'elle, oui, mais c'est elle, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement elle. Je sais plus le nom du film et je l'avoue ne pas l'avoir vu. Mais Des gorilles dans la brume, je crois. C'est ça. C'est clair. Vérifier ensuite. Gorille dans la mais voilà, si on tape le film, c'est vrai que c'est claqué comme nom. Jane Goodall, on saura de quoi ça parle. Donc Jane Goodall, elle est née en 1934 à Londres, en Angleterre. Big up l'Angleterre, encore une fois. Et en fait, elle grandit enfant comment dire, un peu dans l'univers de Tarzan. Enfin, parce que Tarzan, c'était un livre qui était déjà vendu à l'époque. Mm-hmm. Et elle grandit un peu dans cet imaginaire-là. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'elle s'appelle Jane. Et la compagne de Tarzan dans le livre, c'est Jane aussi. Donc, c'est comme si leur destin était lié. Et elle disait même, je cite, « Enfant, dans mes rêves, j'étais souvent un homme et je vivais des aventures. Sans doute parce qu'à l'époque, je voulais faire des choses réservées aux hommes. Partir pour l'Afrique, vivre avec les animaux, c'était mon rêve. » Et elle a pu réaliser son rêve. C'est ça qui est fou. En fait, à 23 ans, elle fait la connaissance du docteur Louis Leakey, qui est primatologue lui-même, et en fait, qui lui parle de son projet de partir en Afrique observer les chimpanzés sauvages, pardon. Et donc là, c'était son occasion de partir. Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que serveuse pour réunir les fonds pour partir en Tanzanie le rejoindre, parce qu'en fait, c'était un peu la première fois aussi qu'on étudiait le comportement des chimpanzés. Ça avait pas forcément été fait auparavant. La Tanzanie. Et en fait, c'est un pays qui est à côté de. Des pâtes. Tanzanie, ça. Non, c'est bon. Je suis désolé, Laura. Je retire ce que j'ai dit. Oui. Donc, elle arrive en Tanzanie le 14 juillet 1960. Elle a pas de diplôme forcément scientifique et tout, mais elle part en fait sans a priori en se disant bon, je pars à l'aventure, c'est vraiment ce que je veux faire depuis toute petite. Et elle observe de loin la tribu de chimpanzés. Et petit à petit, les chimpanzés ils s'attribuent à sa présence. En fait, on le voit souvent dans les documentaires, enfin parce que cette femme est encore vivante aujourd'hui. Et elle continue ses études scientifiques par rapport aux chimpanzés. Et puis un jour, en fait, au fur et à mesure, les chimpanzés s'habituent à elle. Et un jour, l'un d'entre eux vient chercher une banane dans sa main. Il y a vraiment un contact entre cette humaine et ce chimpanzé. Enfin, parce qu'en fait, c'était pas du tout le cas avant. Enfin, c'est... Personne ne s'était vraiment intéressé aux chimpanzés. Et en fait, elle commence à jouer avec eux, elle leur donne des noms, elle leur cherche des poux, comme si rien ne les différenciait. C'est ça qui est beau. Elle disait, plus j'en apprenais sur eux, et plus je voyais à quel point ils me ressemblaient. Elle remarque qu'en fait, ils ont des émotions. Ils arrivent à utiliser des outils pour se nourrir. Et en fait, à l'époque, c'était quelque chose de totalement impensable. Donc, grâce à cette femme qui est partie à l'aventure, on a appris tellement de choses que l'homme descend du singe. Ça, c'était déjà le cas avec le darwinisme. Mais on associait le fait que les chimpanzés, c'est un peu. On avait des a priori sur les chimpanzés. Les chimpanzés, maintenant, ils sont totalement différents de nous. Certes, ce sont nos ancêtres, mais bon, il n'y a pas de points communs. Alors que elle a réussi à trouver les points communs. Et encore aujourd'hui, et ce, depuis les années 80, elle milite en fait toujours pour la lutte contre la déforestation, notamment, et l'élevage intensible, en fait. Elle a écrit un livre qui se nomme « Nous sommes ce que nous mangeons », qui invite à nous interroger sur l'industrie agroalimentaire et nos modes de consommation. Donc, t'as mangé quoi, ce soir? De quoi? Si je le dis, ça. J'ai mangé des gaufres au Nutella. Voilà, t'es des gaufres au Nutella. C'est une gaufre au Nutella, t'es dit. C'est pas mal, c'est plutôt... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un premier livre, je l'ai pas lu, mais je le connais. Le premier livre de la Terre. Non, mais c'est rare quand même que je connaisse un livre. On est d'accord, non, mais c'est alors cool. Je l'ai pas lu forcément parce que j'étais jeune, mais... tu l'as vu. Déjà, tu l'as vu. Ouais, c'est... T'as lu le résumé, Odo? Non, je crois pas, ou je m'en rappelle plus. T'es pas allé jusque-là, dommage. Ah, dommage. On était presque intelligents. J'ai une fierté, tu vois, de connaître le titre de ce film. Il a déjà lu la première de couverture. Hein. Peut-être, j'ai lu le titre. C'est ça. Laura, je me suis trompé. Oui. Hein. C'est pas le titre que j'ai donné, c'est pas bon. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui a été assassinée justement pour son travail avec les primates. Je connais. Voilà, donc c'était pour rectifier ce que le titre que j'ai donné, ça correspond pas à ton histoire. C'est pas celui-là, mais c'est vrai que c'est des histoires un peu similaires, quoi, des primatologues qui se rendaient sur place et qui luttaient justement pour conserver les forêts. Donc ça, c'était la première femme que je voulais évoquer ce soir. La deuxième s'appelle Alexandra David-Néel, qui est une Française née en 1868 et morte en 1969. Donc, si vous calculez bien, elle est morte à 101 ans, ce qui était quand même assez rare pour l'époque. Maintenant, il y a pas mal de centenaires, on doit se l'avouer. Mais non, elle a pas un an, en fait. Elle a 101 ans. Oui, 101 ans. 101 ans. Ouais. Ah, c'est vieille. C'est incroyable. Et en fait, elle, c'était une aventurière, et ce, dès l'âge de 2 ans. Alors, ah ouais. Vous me demandez pourquoi. Elle est née en France, à Saint-Mandé, et en fait, son goût pour l'aventure lui fait faire une première fugue à l'âge de 2 ans. D'accord. Donc vraiment, l'enfant hyperactif. Quoi. Ouais, est-ce que c'est une fugue ou est-ce que c'est une fugue? Tu fermes les yeux 2 secondes et elle a fait déjà une fugue avec son baluchon, la meuf. Quoi. C'est quand même assez impressionnant. Elle avait un baluchon à l'époque, c'est déjà pas mal. Ah bah, oui. Mais elle n'est pas connue pour ça. Pas du tout. En fait, depuis toujours, elle est passionnée par les mystères du monde. Et petit à petit, elle s'intéresse aux philosophies orientales, un peu indiennes, etc. avec le sanskrit. Le sanskrit qui est la langue ancienne indienne, comme nous, on pourrait dire notre langue ancienne, c'est le latin. Elle s'intéresse à la langue ancienne indienne qui est le sanskrit. Ça fait un peu plus classe. Et en fait, elle s'intéresse beaucoup au bouddhisme aussi, le etc. Et elle devient aussi journaliste. Elle collabore au journal La Fronde. Et elle est aussi militante féministe. Enfin bref, elle a une carte de visite assez énorme. Elle est aussi chanteuse lyrique. Ah bah oui. Qui a connu un grand succès à travers l'Europe et l'Orient. Et en 1904... Et elle a fait des études de médecine. Non, mais ça aurait pu. Elle était youtubeuse aussi, la première. Il n'y avait pas YouTube, mais... C'est ça. Non mais en fait, en 1904, ensuite elle épouse un certain Philippe Néel de Saint-Sauveur, mais cet homme-là comprend rapidement que sa femme ne va pas être une femme au foyer. Elle a toujours la bougeotte hein, depuis sa fugue quand elle avait 2 ans. Et en fait, elle lui demande si elle peut partir. Il accepte qu'elle parte pour un voyage initiatique en Inde qui devait durer 18 mois. Et bah il durera 14 ans. Voilà. Moi à la place du mari, je serais en mode bon, ok chérie, tu peux partir. Elle avait perdu mois, la carte. C'est le fameux problème de je perds la carte. Oh bah lui, on il a dit chic, elle rentre pas. Ah bah tu m'étonnes, il a été tranquille pendant 14 ans le mec. Bah non, mais c'est trop triste. En fait, il avait préparé à dîner, mais c'était froid. Bon, allez, ça fait 18 mois pile, je l'attends. Ah bah, oh merde. Bah, au bout d'un moment, tu manges les restes. Hein, ouais, c'est clair. Ok. Mais non, mais parce que elle est partie à l'aventure justement, cette femme. Elle voulait partir à l'aventure 1 an et demi et au final elle est partie beaucoup plus longtemps parce qu'elle est d'abord partie en Inde. Elle a parcouru le Népal et elle a rencontré le Dalai Lama, ce qui était à l'époque quelque chose d'exceptionnel pour une femme européenne. C'était la première fois que ça s'est passé comme ça. Elle aussi, elle parcourt l'Asie, le Japon, la Chine, qu'elle traverse même pendant les guerres civiles de l'époque. Elle traverse la Mongolie avant d'arriver au Tibet. Et après plusieurs mois dans la neige et le froid, elle arrive déguisée en mendiante à Lhasa, dans le plein berceau du bouddhisme. Et en fait, rien que le fait d'avoir parcouru toute l'Asie en tant que femme, seule hein, pour l'époque, parce qu'on parle du début des années 1900, donc c'est pas rien. Enfin, ah bah je veux oui, dire, à l'époque, les femmes avaient très très peu de droits. Je veux dire, là, ça fait beaucoup. C'est ça. Non, mais enfin, je veux dire, cette femme est incroyable. Ah oui, j'avais pas compris la blague. C'était presque de la science-fiction à l'époque, là. Non, mais totalement. Enfin, une femme qui se balade comme ça dans les montagnes, c'est incroyable. Et en fait... En 1928, elle revient en France, elle achète une petite maison, voilà, et on se dit, tiens, elle va se faire une petite vie posée en attendant la mort. Mais non, même à 69 ans, elle repart quelques mois en Chine, mais pour y rester finalement 9 ans. Alors, je sais pas ce qu'il fout le mari pendant ce temps-là, mais il doit être très conciliant. Ouais. Ou alors, il a trompé aussi. Je sais pourquoi elle est restée 14 ans au lieu de 18 mois. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Elle a cassé sa montre. Elle a pas mis le temps passé. Cassé sa montre, perdu sa carte. Ouais, elle avait la totale. Hein. On peut lui donner toutes les excuses du monde. Mais à quoi vous réduisez les femmes, franchement? Comme si elles avaient été assez... Non, ça n'a rien à voir avec les femmes. Ça aurait été un homme, ça aurait été pareil. Il aurait perdu sa carte, il aurait cassé sa montre. On essaye au contraire de... C'est exactement pareil. Ne va pas chercher quelque chose qui n'existe pas, là. C'est clair. On essaye de lui trouver des excuses, justement. Mais ouais, parce que franchement, cette femme, elle est talentueuse, hein. Et puis, le pire, c'est que... Pour se faire pendant 9 ans. Bah, du coup, elle est partie encore une fois pendant 9 ans. En 1946, elle revient en France, mais attention, elle commence à occuper sa vie en faisant des écritures, des conférences et tout, mais à 100 ans. Tout de même, elle se lance un dernier objectif, le renouvellement de son passeport pour assouvir un projet fou, faire le tour du monde en 4 chevaux. Ah ouais. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est morte à 101. Elle est morte à 101 ans, donc elle part à 101 ans pour son dernier voyage le long du Gange où ses cendres sont dispersées. Oh là si là. Ça c'est pas beau. Là où elle a fait son premier voyage, c'est là où il y a ses cendres à la fin. Ah c'est mignon. Et un puis sens en 4 chevaux. Poétique. C'est ça. C'est pas la 4 chevaux qui a rendu l'âme. C'est la femme. Bah, c'est... Voilà. Les 4 chevaux, eux, femme, vont bien. Aucun cheval n'est mort pendant ce voyage. Il a pas compris. Il a pas compris. Il a pas compris. Bon. Femme et cette fois-ci, un tour du monde, mais en vélo, qui a été fait par Annie Kopchowski. Ouais. Alors, c'est une femme qui est née en 1870 et morte en 1947. À devoir d'aussi bon mollet qu'Antoine. Pardon. De quoi ? À devoir d'aussi bon mollet qu'Antoine. Ah, c'est des chevilles, Antoine. Ah, oui, ah bah. Pareil. C'est des chevilles, ouais. Ouais, les chevilles, c'est un peu moins pratique pour le vélo, hein, parce que ça se prend dans les roues et tout, dans les chaînes. C'est pas ouf. Les mollets, c'est bien. C'est bien pour pédaler, c'est mieux. D'accord. Alors, cette femme, à la fin du 19e siècle, en fait, elle faisait de la bicyclette, mais comme un peu tout le monde à cette époque-là, parce que c'était l'époque où tout le monde faisait du vélo. Enfin, même début 20e siècle, enfin, je veux dire, le vélo était beaucoup plus popularisé que la voiture, parce que c'était. On n'avait pas de thunes. Ouais. C'est ça, il y avait surtout ça. Mais en fait, à cette époque-là, beaucoup d'hommes étaient convaincus qu'elle présentait un danger pour la santé physique et mentale des femmes. Tiens donc, Parce que... on enlève des droits aux femmes, c'est rigolo ça. Le vélo, ça présentait un danger ? Non, j'ai pas compris. Pas le vélo. De quoi alors ? Non mais, non mais parce qu'il disait que c'était un danger, le vélo, parce que, oh mais c'était c'est mauvais pour vos cheveux mesdames, c'est mauvais pour votre teint, pour votre féminité, bah, c'est et vrai pour que corps. Pour les cheveux ça décoiffe un peu, on va pas se mentir. T'es une femme, tu peux témoigner. Je suis pas une femme mais ça me décoiffe, tu, d'accord. Tu connais les femmes qui font du vélo. Ça m'énerve, quand je fais du vélo je suis toujours décoiffée après, voilà. C'est chiant. Oh pauvre. C'est relou. C'est relou. C'est pas ça, du cheval alors. Bah oui. Ah, oui. Ah non mais ça fait non. Oui, je te comprends, hein, Teddy, je te comprends, ouais, c'est vrai. C'est vrai, après il faut les remettre en place. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Surtout c'est clair, sur le dessus du crâne, hein, Daniel. Il y a clairement une discrimination envers ceux qui ont des cheveux et ceux qui n'ont pas, quoi. Ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas ce problème, ils connaissent pas. Donc ils peuvent faire du vélo, mais mais d'ailleurs c'est pour ça que je ne fais pas de vélo, parce que j'ai des cheveux, si tu veux. Pour le moment. Mais je me sens pas très bien. Ok, Laura. Oui, bonsoir. Oui. Donc voilà, en fait, ils utilisaient plein de subterfuges en mode non, mais les femmes, c'est pas bien que vous fassiez du vélo. Et pire, il y avait même des médecins à l'époque qui disaient oh, le cyclisme, ça chauffe le sang et ça devient un perturbateur des organes internes. Oh, pour les femmes seulement. C'est bien pas ce qu'on appelle les charlatans. C'est robuste. Hein. Mm. C'est bien connu. Les charlatanismes. De quoi ? Les charlatans. Oui, bah évidemment. Ah ouais, mais totalement. C'était la mode à l'époque. Je veux dire... Non mais c'est ça, oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de charlatanisme à l'époque. Mais en 1894, Annie Cohen-Kopchowski a 23 ans. Et elle est déterminée à renverser un peu ce patriarcat de l'époque. Elle est mariée, mère de 3 enfants. Et elle va utiliser sa bicyclette pour faire avancer la condition féminine aux États-Unis. Donc en fait, le 25 juin... Elle se pose devant les marches du Parlement de Boston et sans un sou en poche, juste avec un petit bagage sur le dos de quelques vêtements de rechange et un revolver bien sûr, on est toujours aux États-Unis. Excellent. Avec quelques vêtements et un revolver. J'ai pas de thune mais j'ai un revolver. C'est pas mal. Bah faut savoir se défendre hein, surtout c'est une pas femme faux. Seule comme ça. Pour les provisions nécessaires aux États-Unis. Tu sais. Ouais j'avoue. Ouais. Et donc Annie déclare devant tout le monde qu'elle compte faire un tour du monde sur sa bicyclette. Alors elle est déterminée, elle n'a pas peur. Elle laisse pour 15 mois ses 3 enfants de 5, 3 et 2 ans et son mari. Et elle va les laisser 15 ans. Le mari prend cette responsabilité et c'est tant mieux parce que ça permet à Annie de faire le tour du monde. Donc en fait, elle démarre son périple de New York. Elle embarque pour le Havre. Elle roule ensuite de Paris jusqu'à Marseille et elle embarque sur un autre bateau. Mais elle roule sur le vélo ou sur le bateau ? Un vélo. Elle mais embarque. Non, mais... Elle fait une pause en fait sur le bateau. Oui, mais c'est obligé. Bah oui. Ah non, tu tournes en rond. Non, mais... sur le bateau. Bah ouais. Je veux pas le savoir. Je suis d'accord avec Teddy, je suis désolé. Ouais, bon, ensuite. Voilà, faut faire les choses jusqu'au bout là. Oui, je veux bien faire ma chronique jusqu'au bout aussi, ce serait cool. Voilà, c'est bien, tu as très bien rebondi dessus, je te félicite. Merci. Donc, à partir de Marseille, elle embarque sur un bateau qui l'amène à Alexandrie. Donc, ensuite, elle descend un peu toute l'Eurasie, Colombo, Singapour, Saigon, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki, au Japon. Et quelques mois plus tard, elle arrive à San Francisco. Et entame son retour vers Chicago. et prend la direction de Los Angeles, le Nouveau-Mexique, le Texas. Et alors, tout au long on du a, parcours... Je t'interromps juste, Laura, parce qu'on a un retour, on t'entend deux fois. Je sais pas qui a mis son retour... Qui est-ce qui imite Laura? Qui est-ce qui imite Laura? Dénoncez-vous. Je sais pas, je m'entendais un peu, mais je sais pas d'où ça venait. Là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. J'entends plus. Voilà. Tu peux continuer. Voilà, donc elle a fait son tour du monde et en fait c'était une épreuve assez compliquée parce que déjà sa bicyclette à pignon fixe pesait environ 20 kilos, donc déjà ça rouler avec c'était pas évident. Puis pas de vitesse. Elle était partie à la base en robe longue sur un vélo de femme et en fait en cours de route Annie elle a changé de vélo, elle a pris plutôt une bicyclette masculine qui était plus légère, c'est plus quoi, maniable un vélo de femme mais sans frein. Donc c'est pour ça elle s'est jamais arrêtée en fait, c'était tout le temps elle était obligée de pédaler tout le temps quoi parce que son vélo n'avait pas de frein. Mmh. Donc Ah mais c'est marrant ça. C'est... Bah, c'est bien pour la productivité quoi. Ouais. Et j'ai déjà fait ça du vélo sans frein, c'était marrant. Ouais. On m'avait prêté un vélo aussi. Oui, mais on m'avait prêté un vélo et je savais pas qu'il y avait pas de frein. Du coup, moi, j'étais là, je m'éclatais. Très dangereux là. Du jusqu'à un moment où des potes sont arrivés, ils étaient en haut des marches. Oui. Et moi, bah, je vais vers eux et tout pour pouvoir m'arrêter et leur dire bonjour. Sauf que bah, il y avait pas de frein. Arrêté. Bah ouais, j'étais dans les marches. C'était génial. L'arrivée triomphale de c'était magnifique. C'est bon, j'ai fini avec mon anecdote. Désolé, Laura. Et en fait, tout ça pour dire que oui, elle a réussi ce qu'elle a voulu entreprendre, c'est-à-dire faire le tour du monde en vélo. Elle revient à Chicago le 12 septembre 1895. Et en fait, bizarrement, même si sur le coup ça a fait du bruit médiatique, bah après c'est retombé comme un soufflet, comme si ça avait rien d'extraordinaire, ce qui est assez bizarre. Et souffler, c'est dur aussi. Hein. Mais en fait. À sa mort en 1947, le souvenir est réapparu de cet exploit. Exploit qui est qualifié par le New York World, un journal de l'époque, le voyage le plus extraordinaire jamais entrepris par une femme. C'est quand même fou, non? C'est fou. Beau. C'est fou, mais c'est fou. Peut-être que ça a été détrôné par l'aventure suivante. Alors peut-être que oui, cette fois-ci nous partons du côté du Japon. Ça va intéresser notre cher Teddy. Ils sont forts, c'est une femme qui s'appelle Yunko Tabei, qui est née en 1939 et qui est morte il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016. Donc c'est une femme qui est née à Fukushima. Quelques petites radios. En fait, bien belle ville. De quoi? Non. Bien belle ville. C'était. En fait, à l'âge de 10 ans, elle tombe amoureuse des montagnes. En fait, je fais une petite aparté, c'est assez marrant parce que quand on lit ces histoires d'aventurières, c'est comme s'il y avait une force qui les poussait, mais depuis le début, en fait. Enfin, vraiment, depuis l'enfance, elle se disait « Oh, j'ai trop envie de faire ça, ouais, je sens que j'ai envie de le faire », et elle le fait, destinée, et elles réussissent, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme une destinée. Et là, sa destinée, c'était les montagnes. Elle tombe vraiment amoureuse des montagnes. Attention, en fait, quand tu dis Laura, elles réussissent, on parle de ceux qui ont réussi, hein, parce que il y a certainement des gens qui sont morts. Ouais, qui sont morts au passage. Ouais. Non, la vie me pousse à faire ça. T'es sûr de te jeter du ravin là? T'es sûr que. Voilà. T'es sûr que tu vas voler, hein? Faut se méfier. Ouais. C'est ça. Non, mais en fait, Yunko Tabei, elle, du coup, son objectif, c'est de gravir les montagnes. Elle s'inscrit dans des groupes d'escalade pour faire différentes excursions, expéditions. Mais en fait, ces groupes, bah, à l'époque, c'était majoritairement avec des hommes. Et en fait, ils étaient tous en train de dire « Non, mais elle est en train de chercher un mari, c'est tout, nanana. » Alors que pas du tout. En fait, Yunko s'en moque. Elle veut juste monter sur les montagnes, quoi. Enfin, oui. Voilà, c'est... C'est pas mieux que les montagnes, quoi. Elle a quoi? Elle a changé de nom, Yunko s'en moque? Ah non, attends, j'ai pas réagi, pardon. Quoi? Non. Daniel dans un délire. Non, t'inquiète pas. Je croyais qu'il y avait un autre nom, Yunko Tabei, et puis Yunko. Oui, elle s'appelle Yunko. Oui, mais elle s'en moque, elle s'en fout. Oui, oui, non, mais je croyais qu'elle s'était mariée. Yunko Tabei, Yunko s'en moque. Ah non, non. C'est pas grave, Laura, tu peux continuer. Donc en fait oui, en fait elle a pas envie de se trouver un mari, voilà, c'est plus compréhensible comme ça. Oui. Voilà. Elle n'a pas envie de se trouver un mari, en fait elle mène une carrière vraiment géniale en tant que rédactrice en chef d'une revue scientifique, elle donne aussi des cours de piano et d'anglais, voilà, parce que c'est un passe-temps qui coûte assez cher en fait, hein, donc de gravir les montagnes, il faut tout l'équipement et tout ça, donc c'est pas évident, mais déjà au milieu des années 60, donc elle avait déjà bientôt 30 ans, elle avait déjà gravi les plus hautes montagnes du Japon, dont le mont Fuji, En 1969, elle fonde le club d'alpinistes Joshi Toan, qui est réservé aux femmes, ce qui suscite des railleries du côté des hommes. De, ah, bah dis donc, t'as vu le club des femmes? Elles montent des montagnes ou elles font du tricot? Alors, c'est pas du tout. Elle a fait les deux en même temps, qu'est-ce que tu crois, mon pote? Exactement. Hey. D'une main, on tricote. On est bien mieux que toi. Ouais, totalement. On peut faire le tricot en haut des montagnes aussi, hein, ça c'est possible. C'est ça. Mais l'exploit qu'elle a fait, c'est en 1975. Elle est alors âgée seulement de 35 ans et elle devient la première femme à gravir l'Everest. Ah, alors on a parlé des aventuriers tout à l'heure, les premiers à gravir l'Everest. Ouais, mais eux, ils étaient deux. Oui, ils étaient deux et puis ils étaient venus avec, avec les moyens nécessaires, hein, on l'a vu. Mais ouais, donc la première femme, c'était en 65 ? 75. Ah oui, d'accord, ça intervient un petit peu plus tard, mais c'est toujours aussi difficile de gravir les bras. Bah, totalement. Et elle établit d'ailleurs un autre record en 1992, en devenant la première femme à gravir les plus hauts sommets des 7 continents, notamment le Kilimanjaro, le Denali, le Vinson en Antarctique. Est-ce qu'on peut dire que cette femme veut atteindre des sommets? Ah bah totalement. Est-ce qu'on peut dire que cette femme a atteint tous les sommets? Ah, elle a atteint tous les sommets. Limite, elle touch the sky, quoi. Enfin, je veux dire. Exactement. I believe. Okay. Bon, on va arrêter. Et justement, elle-même, elle dit: je ne comprends pas pourquoi les hommes font tout ce tapage à propos de l'Everest. C'est juste une montagne. Voilà, alors, c'est les mecs, boum, pour descendre. Allez, boum, redescends ta montagne. Qu'est-ce que voilà. Non, c'est la petite randonnée du jour, quoi. Aujourd'hui, je vais me faire l'Everest. Voilà. Et voilà. C'est et l'année sympa, où elle est morte, du coup, en 2016, en fait, elle fait une dernière expédition au Mont Fuji avant de s'éteindre au mois de novembre de cette même année. Ah, elle avait gravi le Mont Fuji l'été et elle est morte au mois de novembre. Donc elle a mené plein d'autres actions à côté, enfin justement pour promouvoir la liberté des femmes, justement d'aller gravir ces montagnes. Et je trouve même symboliquement c'est super beau, quoi. C'est vraiment une femme peut tout faire et elle peut même gravir l'Everest. Et même beaucoup d'hommes ne peuvent pas gravir l'Everest d'ailleurs. Ah bah même moi personnellement autour de cette table qui peut le faire personne. Voilà. Moi je veux le faire. Tu veux? Je le ferai. Bah, écoute, on va le faire avec sponsor Indestar. Exactement. Enfin si tu réussis. C'est ça. J'aime bien le froid mais bon c'est chiant monter. Ouais, c'est relou à fond. Je le fais avec un ascenseur. Je préfère redescendre quand même. pardon Daniel. Je disais, il y aura juste un peu moins de monde que pour les premiers qui ont gravi Larry et Tenzing. Oui, mais après, c'est vrai que gravir l'Everest, bon, ça se fait de plus en plus, mais ça reste quand même un gros défi. Et n'importe qui peut pas le faire, parce que malheureusement, il y a eu plein de morts aussi. Hein, donc voilà. Faut pas se lancer comme ça en se disant, moi je fais de la randonnée, j'ai fait 3 km l'autre fois entre les deux villages. Non, ouais, tu te lances pas dans gravir l'Everest. Je le fais en vélo. En vélo. Combo. Gravir une montagne en vélo. Exactement. Je suis un combo. Tu peux essayer. C'est ça. Non mais le gars qui cherche toujours le record. Voilà pour la descente, oui, en vélo. Ah bah c'est quand même plus cool la descente. Hein. Oh, bah oui, non mais moi j'ai jamais compris en montagne pourquoi tous les gens font la montée en vélo. Et genre des fois t'as leurs femmes qui les attendent en haut de la montée avec la voiture, alors que moi je ferais totalement le contraire. Tu me laisses là-haut en vélo pour que je descende, tu me fais pas monter en vélo. Je comprends pas le délire, hein, mais si vous faites du vélo, dites-le moi, quel est l'intérêt. J'ai pas compté, il y en avait 4 ou 5? Il en reste une dernière. Il en reste une dernière. Allons-y pour la dernière alors, avant le quiz. Une petite dernière, voilà, qui s'appelle Delia Ackley, qui est une exploratrice des temps mornes. Elle est née en 1875 et comme morte en 1970. Donc encore une fois, qui est morte assez tard finalement, 95 ans. Ouais, ça. Belle vie. Ouais. On préserve en fait, la forme d'être aventurière en fait. Hein. Bah totalement, bah c'est très physique et puis bah bon bah Laura, demain tu chausses tes pompes quand tu meurs pas, et hop tu files au bout du monde, hein. Quand tu meurs pas d'une chute ou d'un truc ou de n'importe quoi, parce qu'encore voilà, une faut fois pas en chemin, que quelques exemples. Par contre, emmène pas Cindy à cheval parce que là tu vas avoir des emmène pas Cindy tout court, celle-là qu'on me dise emmène pas Cindy parce qu'elle porte la poisse. C'est ça. Mais c'est vrai, donc m'emmène pas, mais ah mais okay, bon, bah on le dit parce qu'elle en a parlé, hein, parce qu'on n'oserait pas sinon. Enfin, c'est sûr que si. Si on, en fait, on oserait, mais c'est quand même, elle nous en a parlé. Oui, vous oseriez. C'est surtout que depuis, on sait. Avant, on savait pas, maintenant, on sait. Donc, cette aventurière. La vérité a éclaté. Alors, Delia, elle vient des États-Unis, plus précisément du Wisconsin. Elle devient, l'enfance est assez difficile, son père qui gueule tout le temps, nanana, et elle part à l'âge de 13 ans, elle dit « j'en ai marre, je veux plus subir ces violences-là ». Elle s'enfuit à Chicago, et elle devient l'assistante d'un taxidermiste, Ah oui. Je m'entends. Ouais, d'un taxidermiste. Mais en fait, pour être taxidermiste à l'époque, il faut aller chasser l'animal sur place, donc ouais. À savoir en Afrique. Et en fait, après, ce taxidermiste, il crée un musée justement de ses recherches d'animaux. Donc en fait, en 1902, ils se marient et ils partent tous les deux dans ces voyages africains, en fait, pour justement chasser des spécimens pour son musée. Voilà, mais un jour, cet homme se fait attaquer. On parlait justement des aventuriers qui se font attaquer et ceux qui survivent. L'homme faisait partie des gens qui se faisaient attaquer parce qu'il s'est fait attaquer au Kenya par un éléphant. Il essayait de chasser. Oh, ah bah tant pis pour sa gueule. Ouais, exactement, parce qu'en plus les défenses des éléphants et tout ça, c'est pas bien. Pour les empailler. Bah, ouais. En plus, ça prend de la place, ça l'a mangé un éléphant empaillé. Oui, bah je pense qu'il le mettait dans quelque chose de plus grand qu'une salle à manger. J'ai rien de plus grand. Il mangeait dessus en fait. C'est la salle à c'était manger. C'était la table. Non, mais comment dire. Pas trop ça. Bah en fait, il y a beaucoup de musées d'histoire. Il y a beaucoup de musées d'histoire naturelle où c'est des animaux empaillés. Donc à l'époque, c'était plutôt pour une valeur scientifique que juste. Enfin, si on compare à aujourd'hui, il y en a qui chassent, mais juste pour le plaisir de tuer un animal en fait. C'est pas je pense faux. Pas qu'à l'époque, il y ait eu cette. Cette idée-là, enfin, c'était plus d'un point de vue scientifique que d'un point de vue voyeuriste. Il devait y avoir un peu des deux, à mon avis. Ouais. Oui, parce que t'as quand même eu toute une histoire de trophées et tout, où ils vont décimer des espèces entières. C'est ça. Mm-hmm. Ah oui, juste pour avoir la tête dans le salon. Quoi. C'est ça. Ouais. Tellement classe. Mais là, c'était, c'était le corps dans le musée. Voilà. Donc, à ce moment-là, il se fait attaquer par un éléphant. Et son équipe, c'est vraiment des lâches. Parce que, enfin, je veux dire, ils étaient en couple, mais il y avait une équipe, bien sûr, qui venait avec eux. Toute l'équipe est partie, a pris ses jambes à son cou. Donc, en fait, ils l'ont laissé mort. Ils l'ont laissé pour mort, seul avec sa femme. Et en fait, la femme, de ses bras, le transporte jusque dans les montagnes. Pour trouver un hôpital, donc déjà fortiche la femme. Mais attends, il y a pas une incohérence. C'est dans les montagnes qu'il y a des hôpitaux depuis quand? Maintenant, ils mettent des hôpitaux au sommet. Ouais, c'est quand même vachement plus pratique. Je savais pas. C'est parce que les éléphants montent pas aux montagnes, c'est pour ça. Ah non, attends, je me suis mal exprimée. En fait, elle a dû traverser les montagnes pour aller à l'hôpital. Ah. L'hôpital n'est pas nécessairement sur le sommet de la montagne. Voilà. Ouais. Mais j'ai bien aussi. T'imagines le truc, le seul bâtiment qui met tout en haut, c'est l'hôpital. L'hôpital, on en a un. Mais il est en haut de la montagne, t'as pas intérêt de te blesser. Hein. Sur la route en neige. Vous pouvez y accéder si vous êtes pas mort entre temps. Hein. C'est ça. Ouais, c'est en cas de crue. Hein, au si tu t'es cassé les deux jambes, t'es dans la merde. Mais non, mais c'est seuls les meilleurs survivent, tu vois. C'est ça, totalement. Mais du coup, en fait, bah, il a réussi, cet homme, à s'en sortir même après cette attaque, justement grâce à sa femme qui l'a emmené à l'hôpital. Et en fait, à chaque fois il se faisait attaquer, c'était toujours sa femme qui soignait, quoi. Il est mauvais, c'est pas possible. Non, mais en fait, j'ai résolu l'énigme de l'hôpital en haut de la montagne. Hein. Oui. Oui, c'est parce que si t'arrives en haut de la montagne, c'est que t'es encore en état, c'est qu'on peut te soigner. Sinon, ça valait pas le coup, c'est que t'allais crever. Ah, ou sinon, c'est que c'est juste trop tard, ça valait le coup en bas, mais ça vaut plus le coup parce que t'as arrivé trop tard. Voilà, c'est ça. Exactement, sélection naturelle. Ouais. Bah, autant qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, finalement. Non, mais c'est ça. Mais du coup, voilà, c'était elle l'hôpital, finalement. Ouais. Parce qu'elle le elle se faisait un peu chier, quand même. Elle, sa passion, c'était ramener son mari après ses blessures. Quoi. Putain. Encore, c'est la troisième fois cette semaine. Bah ouais, merde, fais un peu un effort, merde. J'ai pas que ça à foutre, moi. Aventurier en herbe. Enfin, je veux dire, non, mais avec des bons tutos sur YouTube, bah, on apprend tout. Hein. Bah oui, mais il n'y avait pas YouTube à l'époque. Donc au final, elle ramène d'une expédition un petit singe. Voilà, parce que c'est un meilleur compagnon que son compagnon, parce qu'elle commence à en avoir marre. Bah, c'est pas faux. Hein. Et en c'est fait, moins à lourd donné, à transporter. Aussi, c'est plus pratique. Et ils finissent par divorcer parce que voilà, la plus le mari, il se remarie avec une petite jeunette, genre de 25 ans de moins qu'elle. Oh là voilà. Là. Mais 2 ans plus tard, il meurt d'Ebola. Voilà. Enfin, pourquoi on rigole? On est des connards. Oui. Non, mais en vrai. Parce que je sais que t'allais dire chais, t'es dit. Bah ouais, mais ouais. C'est obligé. Ouais, bien fait pour lui. Il bah a ouais. été sympa. Hein. Attends. Bah ouais, parce que tout le temps, à force, sa première femme le sauvait et puis. Sa femme connaît la route par cœur, elle a même plus besoin de carte ou de GPS hein, pour l'emmener dans les montagnes. Hein. Sans problème, elle a traversé ça comme si c'était l'Everest. Où c'était, ouais. Mais non, mais c'est. Non, je trouve mais que. Mort, c'est normal, elle était pas là pour le soigner. Bah oui, c'est ça, ouais. Non, c'est bien fait pour lui. Ah ouais, donc en fait, à 50 ans, Delia, elle se retrouve seule avec son petit singe, en fait. C'est vraiment son seul compagnon à cette époque-là. Donc, elle se dit, mais cette fois-ci, c'est à mon tour de faire ma propre expédition africaine en solo. Donc, elle est partie de l'océan Indien pour aller jusqu'au désert éthiopien. Donc, elle est partie sur une pirogue, puis sur un chameau. Et elle a arpenté comme ça le continent africain, donc en fait, d'est en ouest. Donc, elle est partie, en gros... du Kenya, Éthiopie, Ouganda, Congo belge, jusqu'à l'autre bout de l'Afrique. Donc en fait, ça devient la première femme à avoir traversé l'Afrique. Avec un singe. En fait, elle se passionne pour l'ethnographie, donc elle étudie les différents peuples, les différentes ethnies qui la fascinent. Et elle publie aussi des observations, notamment en primatologie, parce que oui, ça sert d'avoir un petit singe à côté de soi, on peut voir un peu plus son comportement. C'est pas Et trop. Voilà, elle s'est Et presque centenaire, elle s'éteint en Floride après avoir passé la deuxième moitié de sa vie du côté de l'Afrique. Donc au final aussi, c'est ça qui est assez magnifique, je trouve, avec ces femmes-là, c'est que même après 50 ans, enfin on a vu des exemples, même après 50 ans, 60 ans, voire 100 ans, s'il y a un rêve, ouais, encore foncé, en vie, c'est ça. Bah oui, non mais je pense que de toute façon, enfin on en avait parlé quand on avait parlé voyage, mais à partir du moment où tu as commencé à voyager et que tu chopes le virus, t'as envie que d'une chose, c'est de repartir en voyage. Sauf quand t'as Ebola, quoi. Ouais. Oui, alors évidemment, ça t'arrête. Mais non, mais je pense que faut choper le bon virus, quoi. Ouais. elles en faisaient partie, c'est-à-dire que voilà, jusqu'au bout de leur vie, elles avaient cette âme d'aventurière, donc elles avaient envie de partir, hein, même à 101 ans. C'est beau. C'est ça. Mais moi, quand je lis des histoires comme ça, ça me fait rêver. Mais du coup, je voulais juste préciser pour la fin les références, parce que j'ai pas sorti ces histoires de ma tête, hein. Je les ai dans des bouquins que j'ai. Pas inventé. Je peux inventer des histoires, mais pas dommage, c'était une jolie des histoires roman. Aussi belles. Bah ouais, je sais. Mais donc ces histoires viennent d'un livre que je vous ai déjà présenté par ailleurs, V comme Virago, d'Anne Goni-Goubert. Donc en fait, il y a des portraits de femmes aventurières, célèbres, mais oubliées, etc. Et une bande dessinée qui s'appelle Culottée de Pénélope Bagieu. Donc là, c'est le premier volume que j'ai entre les mains, mais il y en a deux. Mm-hmm. Donc en fait, pareil, c'est des portraits de femmes célèbres, enfin, non, justement, des femmes extraordinaires, mais qui sont tombées dans l'oubli. Donc les dessins sont magnifiques et c'est des petites histoires qui se lisent assez rapidement sur des portraits de femmes extraordinaires. Donc, et on en apprend plus sur l'histoire grâce à ça. Pour découvrir ces histoires incroyables. Super, super. On parlait tout à l'heure des peurs qu'on pouvait avoir, nos peurs d'aventurier en herbe. Toi, Laura, est-ce que tu as une peur, une phobie ? En fait, déjà, une peur qui peut paraître assez banale, c'est que j'ai un peu peur de la solitude. Et du coup, je me suis jamais... Enfin, comment dire, je suis partie en Angleterre seule, pas mais toute j'étais seule. Dans une famille. Ouais. Au final, j'étais accueillie dans une famille, mais... Ouais, tu pouvais pas faire ton Robinson Crusoe, quoi. Ouais, j'aurais du mal. Après, je pense que c'est une peur qui peut s'affronter, mais c'est une de mes plus grandes peurs, en fait, de voyage. Et faut aussi, y aller avec un singe. Au pire, j'y vais avec un singe, ouais, c'est pas mal. Mais cette peur-là et aussi la peur justement du fait d'être une femme seule. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a plusieurs femmes qui traversent des pays dits dangereux, etc., sans souci, mais je serais souvent sur ma défensive comparée à un homme, même si pour un homme, c'est pas son rôle. On est aussi souvent sur la défensive, hein, c'est étonnant. Voilà, moi, avec ma poisse. Avec ma poisse, je le ferais pas, tu vois. Ah, juste pour ça. Juste pour la poisse. Seul, partir seul, je on a tous pas. Des raisons de pas le faire. Ouais, c'est clair. Clairement. Et toi, Antoine, tu as des peurs, des phobies des peurs, des phobies. Moi, c'est plus une phobie animale. Ouais. Si tu me dis que t'as peur des requins, je te dis, change ta photo de toi. Non, c'est les chevaux. J'ai pas des chevaux. Ah ouais. Mais tu t'appelles Chevaux. Ah merde. C'est ton nom de famille. T'as peur de tes sœurs. T'as peur de... Non, j'ai que... Non mais oui, alors tu t'entendrais pas avec Cindy alors pour le coup. Eh ben ça a coupé. Ah, il est parti. Il était vexé là. Il est parti. Tu l'as vexé. Ouais, c'est ça. Non, il est revenu. Ça s'est déconnecté. Pile poil au mauvais moment, il s'est déconnecté. J'ai un vieux téléphone, ça fait que de bugger. C'est pour ça. Pile poil quand tu parles, ça coupe, c'est étonnant. Donc je disais, j'ai peur des chevaux. D'accord. Ouais, t'as peur de tes sœurs ? C'est con quand même. Et du vide aussi, j'ai très peur du vide. Ah, ça, là, pour le tu coup, vois, le vide on s'accorde, mais les chevaux on s'accorde pas. Ça, c'est clair. Donc, c'est mort. vous ferez. T'as peur du vide ou d'un verre vide ? Ça traumatise ce que j'ai vécu étant petit par les chevaux et depuis bah je peux plus. Ah d'accord. Ah merde. Non mais ça se comprend, hein. C'est comme Il est pas remonté dessus. Non, mais ouais. C'est comme t'es dit avec les papillons. On m'a forcé à monter dessus, je voulais pas. Et Ouais, c'est comme à la piscine quand on te pousse dans le grand bain, quoi. C'est comme le vide, il est pas remonté dessus. Non, pas non plus. Bon, on a le quiz dans un instant, on va jouer tous ensemble, hein, avec Teddy, avec Cindy, avec Laura, avec Daniel, avec Antoine, et pas avec moi-même parce que c'est moi qui vais poser les questions. Il y en aura 7 des questions et 3 propositions de réponses à chaque fois. Qui sera le meilleur? On sait pas. On va faire un petit tour en Alabama parce qu'on aime l'aventure avec un bootleg de Steve Johnson. Voici Sweet Fat Bottom Alabama sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Émission à la maison et musique qui fait peur, parce que musique de quiz, musique de fin d'émission, musique d'affrontement entre nos candidats du jour, c'est-à-dire Teddy contre Daniel, contre... Ah oui, je peux faire avec une voix comme ça. Et il y a aussi Antoine dans la team masculine. Et dans la team féminine, nous avons Laura qui affronte Cindy. Évidemment, vous aussi à la maison, vous pouvez jouer. J'arrête de parler comme ça parce que sinon j'aurai plus de voix à la fin de la soirée. Alors... T'es déjà à la fin de la soirée? C'est vrai qu'on est déjà à la fin de la soirée. Je peux parler comme ça tout le temps. Non, ça va être chiant. Cette question dans ce quiz est à chaque fois 3 possibilités de réponse, mais seule une de ces réponses sont des bonnes réponses. Teddy a préparé l'ardoise pour compter les points. Tu t'es pas mis de points d'avance, Teddy? Moi, non. Non. Qu'est-ce que tu nous as fait? Attention, je vérifie. Il n'y aura pas de points d'avantage. Alors, je te dis pas la vérification. Là. Oh, ça va, je vais en battre. Bon, j'ai les avantages de. Donc, évidemment, c'est un quiz sur l'aventure, hein, puisque c'est le thème de la soirée. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, chef. Oui. Non. Alors, oui. C'est parti. Imaginons que vous soyez transporté à l'aveugle dans un pays inconnu. Je vais vous donner 3 indices. À vous de m'en déduire quel est ce pays. Ok, pas de problème. God save the queen. Alors attends, parce que là... Il est pas sûr de ses indices. C'est pas ça. Il a perdu ses indices. Il est à l'aveugle, je sais plus où il est. Alors attends, parce que là... Et il l'a fait comme un aveugle, du coup il a rien écrit. Genre. C'est pas ça. J'ai les 3 propositions de pays. Mais t'as pas... Ah, t'as pas les... J'ai pas les indices. Ah oh, merde. Nouvelle-Zélande, Australie ou Pérou? Ok, alors cette question est totalement bâtarde, faut choisir un pays au hasard. Oh oui, on peut la faire comme ça. La question la plus au hasard du coup. Ah vache. J'ai juste oublié l'indice de départ. D'accord, et c'est quoi les pays, t'as dit? Pérou, j'ai entendu. Pérou, Australie, Nouvelle-Zélande. Oh là là. Oh merde. Bah oh. Alors, on choisit celui où on veut aller, c'est ça? Bah celui que oui, Théo avait décidé de faire gagner. Mais sinon elle compte pas. C'est plus marrant la compte. Non mais pour le fun. Vas-y, Teddy. Australie. Franchement, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande pour Teddy. Daniel, tu dis quoi? Je dirais le Pérou, à mon avis, t'as fait quelque chose sur le Pérou. Ok, Laura. Australie. D'accord. Oh non, pas encore. Oh, c'est déjà ma pauvre Lucette. Non, c'est bon, j'ai. Cindy. Bah, Australie aussi, moi. Antoine. Ouais, Australie aussi. Et bah, la bonne réponse était. Nouvelle-Zélande. Ouais. Voilà, et je vous parlais de l'élevage de moutons qu'il y avait au parce que ça faisait partie de mes indices. Élevage de moutons qui a débuté en 1850 et ça a été la laine a été la première source de l'une des premières sources de revenus du pays jusqu'à que ça soit l'export de la congélation de moutons aussi. T'as plus intéressant en Nouvelle-Zélande. Du genre l'élevage de kiwis. Ah, il y avait les kiwis aussi. Ouais, hein, kiwis le fruit. Et finalement on va retrouver. J'ai un cousin qui fait ça. Et la troisième, je crois que c'était le baseball. Tu vois. D'accord. Voilà. Et non, mais pour la petite anecdote, en 72, il y avait 70 millions de moutons. Et pas de kiwis. Et des kiwis aussi. Ah ouais. Et pas de kiwis. Il y en a un peu moins aujourd'hui, mais voilà. Bon, seul Teddy a bon sur cette première question, totalement au hasard. Je vous enterre. On va peut-être poser une question avec. Avec un non, parce qu'il a rangé la réponse après. Hein. Pendant combien de jours maximum peut-on tenir sans boire? Facile. Par temps frais, attention, je précise. Avec un peu d'humidité dans l'air. Est-ce 13 jours, 15 jours ou 17 jours? À votre avis, 13 jours, 15 jours ou 17 jours, on peut survivre sans boire par temps frais? Il est précisé. Je vais demander à Laura. 17. 17 pour toi. Cindy. 15. Antoine. Moi, je dis 13. Daniel. J'ai oublié de préciser le taux d'hygrométrie exact, parce que ça joue. Hein. C'est vrai, le taux d'humidité dans l'air que tu respires va influer sur le temps que tu peux vivre. Voilà. Chut. Donc frais, ça veut pas tout dire. Hein. Par ton frais, hein. C'est ça. Donc je mettrai quand même 15, mais ça peut être 13, ça peut être 17 sur le taux d'hygrométrie. Donc t'as dit 15. Teddy ? Vas-y, une majorité à 15, je mets 15. Je suis la masse, je fais le mouton. Il ne fallait pas être le mouton, qui était la question d'avant. C'était 17 jours, selon le médecin colonel Xavier Maniguet. Par temps frais, sans activité physique, évidemment, on peut survivre 17 jours sans boire. Bon, c'est beaucoup, hein. C'est pas précisé sans activité physique. Non, c'est après que j'ai précisé. Je pense que je le ferai pas, tu vois. Mais ça a changé tout, moi. Mais non, mais si tu veux survivre, que t'as pas d'eau, tu vas pas t'amuser à faire tous les efforts du monde, non ouais, plus. Genre, t'es pas con. Ou genre être boulanger, tu vois. Tu cherches de l'eau. Ah, tu peux chercher de l'eau. Tu cherches de l'eau. Ouais. Effectivement, mais admettons qu'il y en a pas. Théoriquement, c'est plus une activité physique en France de chercher de l'eau. De chercher de l'eau. Ouais. Non, parce qu'il y en a. Théoriquement, après, c'est chacun son délire. Hein, mais... Question suivante. Lorsque la température extérieure est de moins 5 degrés et que le vent est de 20 km/h, ça vous fait plaisir, il y a des chiffres. Hein. Oh bah il fait bon ça. Quelle est la température ressentie ? Moins 10, 20 degrés. Moins 20 ou moins 30 ? Attends, est-ce que tu peux répéter l'intitulé ? Ouais, parce alors, que là, La température extérieure est de moins 5 degrés et le vent est de 20 km/h. On dirait des trucs vraiment des problèmes de maths. Quelle est la température ressentie ? Est-ce moins 10, moins 20 ou moins 30 ? Mais théoriquement, c'est des maths. Okay. À votre avis, je vais poser la question à Antoine. C'est pour ça que je dis moins 30. Moins 30 pour Antoine. Je pose la question à Cindy. Je me souviens plus des chiffres. C'est facile. Moins 10, moins 20 ou moins 30. Pense à la règle de pi. N'importe quoi. La règle de pi. Ça veut rien dire. Je suis nul en maths, les gars, c'est pas cool. Moins 20. Moins 20. Bien joué. Daniel. Oh, bah on va mettre moins 10. Hein. On va pas avoir trop froid, faut pas exagérer. Laura. Non. Moins 10. Teddy. Non, c'est bien moins 20. T'es sûr de toi là ? Oui, je connais le calcul. Effectivement, c'est. Ouais. C'est la bonne réponse. C'est... Non, c'était vraiment le bon calcul ou tu te... Non, t'as inventé. Non, mais j'étais sûr que c'était moins 20, mais je sais pas pourquoi. Juste comme ça, une intuition. Mais donc, c'est quoi le calcul c'est... pour en ah oui, J'en sais rien, je disais juste que c'était. Non, mais je pose la question. Il y a un calcul que je n'ai pas, par contre, je sais qu'on appelle ça la température physiologique. Voilà, donc la température ressentie. Mais il y a un calcul, bah. Le moins 5, vous faites un truc avec le moins 5 et le 20 km/h. Voilà, ça donne. Fois 4. Non, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand tu as une température, quelle qu'elle soit, et que tu as du vent en plus, tu ressens plus froid. Tu ressens plus froid. Ouais, voilà. Donc là, apparemment, bah, moins 5, tu enlèves 15 degrés. Alors, je sais pas si. Ah, moi, j'aurais senti 10 degrés, tu vois. T'aurais senti 10 degrés ? Moi, il ferait plus chaud, tu vois. Oui, bien sûr. si c'est un vent du Sahara, effectivement. Question suivante. Comment reconnaître un champignon non comestible ? Pardon ? Est-ce que c'est parce qu'il pousse sur le tronc des arbres ? Est-ce que c'est qu'il dégage une forte odeur ? Ou est-ce que c'est qu'il contient du jus blanc ou laiteux ? Un champignon non comestible. Je vais poser la question à Cindy. Ouf, ouf, oh. C'est pas comme si les champignons tout court. Répète tes réponses là parce que. Il pousse sur le tronc des arbres, il dégage une forte odeur, ou il contient du jus blanc ou laiteux. Mmh. Bah la dernière, hein, on va partir sur du jus blanc laiteux, allez. Laiteux. Qu'est-ce que tu dirais, Daniel ? Moi j'ai souvenir d'une question avec le qu'est-ce qu'il fouette, alors je vais mettre l'odeur. D'accord. Laura. Monsieur Longuion, l'odeur, le bruit, l'odeur. Teddy. Bah non, c'est la 3, hein, clairement, parce que l'odeur, la plupart des champignons puent. Laiteux. Sentez les trompettes de la mort, vous allez voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu dirais, Antoine ? Moi, je dirais la 3 aussi. C'était la bonne réponse. Il contient du jus blanc ou laiteux, donc ça en fait un champignon non comestible. Et... Mais ça peut être vachement utile. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Franchement, qu'on les reconnaît. Non, parce que l'odeur, par exemple, les trompettes de la mort, ça a une odeur. Pourquoi ça s'appelle les trompettes de la mort, après vous ? Parce que c'est une odeur forte. Ouais. Et justement, c'est comestible. Oui, d'accord. Donc, oui, mais attends, ça tombe à l'eau, cette odeur. Il y a aussi une odeur particulière sur un certain nombre de champignons. Ouais. Et il y en a d'autres aussi qui ont le problème du liquide blanc. Oui, mais tu peux pas faire une généralité sur l'odeur, alors que sur le liquide blanc, tu peux en faire une généralité. C'est exactement ça. Les champignons, tous ceux qui ont un liquide blanc, tu ne les bois pas. Ils l'ont pas tous. Apparemment. Bah, tous les champignons n'ont pas de liquide blanc. Mais tous ceux qui ont un liquide blanc sont toxiques. Voilà. Donc si vous avez un champignon qui a... Tous ceux qui ont un certain type d'odeur nauséabond sont toxiques aussi. Ouais, mais faut. Ah non, parce que les trompettes de la mort, ça s'appelle les trompettes de la mort. C'est pas nauséabond. C'est une forte odeur désagréable. Oui, mais ça peut. Tu pourrais penser que c'est un cadavre. C'est plus dur de les reconnaître. Alors que si vous avez un champignon qui a du jus blanc ou laiteux, vous savez que de toute façon, celui-là, il est pas comestible. Ouais. Ça veut pas dire que si vous avez pas de jus blanc ou laiteux, qu'il est comestible. Mais déjà, vous pouvez éliminer tous ceux qui ont du jus blanc ou laiteux. Question suivante. Quel est le nom de l'expert britannique en survie qui anime l'émission Man vs Wide? Smilodon. Chut. Pardon. Non. Est-ce que c'est Deer Grylls? L'oignon. Alors, Deer Grylls, Oak Grylls ou Bear Grylls? C'est-à-dire que y a que Grylls à chaque fois. Hein. Donc, je vais poser la question à Antoine. Deer Grylls, Oak Grylls ou Bear Grylls? Bear Grylls. Pour toi, ça serait Bear Grylls. On pose la question à Teddy. Non, c'est pas drôle. Bear Grylls? Bear Grylls aussi? Bien sûr. D'accord. Daniel? Le sobrenom Jake? Daniel? Oui, je n'en sais rien, là. Je m'attendais à quelqu'un d'autre. Bon, on va dire la même chose. Je vais copier. Allez. Bear Grylls, ok. Cindy, je t'ai posé la question? Non. Cindy? Non, ancien soldat des forces spéciales, c'est Bear Grylls. D'accord. Et Laura? Alors, c'est Bear Grylls. Et je tiens juste à dire une petite prononciation anglaise. Petite prononciation anglaise, parce que souvent, on a tendance à dire... Beer au lieu de bear, ouais. Mais beer ça veut dire bière. B-E-A-R. Ah ouais. Alors quoi, c'est bah, bear, c'est comme un ours quoi. Vous l'appelez, monsieur bière quoi. Ouais. Figure-toi qu'au collège on m'appelait Teddy Bière du coup donc. Ouais. Hein ouais. Teddy Bière, ouais, c'est Teddy Bière. Teddy Bière, bien. Mais oui, c'est bear comme un ours en fait finalement. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et de son vrai nom, il s'appelle Edward Michael Grylls. Je raconte des craques. Qui est le plus jeune britannique à avoir grimpé le mont Everest à 23 ans. Encore lui. Putain, encore le mont Everest. Oui, 23 ans, tout à fait. Il a un sacré palmarès. Rêve de gosse. Question suivante. Je débarque à l'aéroport de la capitale Yamoussoukro. Bien sûr. Yamoussoukro, évidemment. Dans quel pays? Je suis en. Dans quel continent? En Afrique, en Asie ou en Amérique? Teddy. T'as dit comment ça s'appelle? Yamoussoukro. Tu peux l'épeler? Yamoussoukro. Comment ça s'appelle? Afrique, oh, Asie, Amérique. Yamoussoukra. Ah, c'est forcément africain. Oh, pardon. Pour toi, ça serait l'Afrique. Bien sûr. Évidemment. Je le sens bien. Là. Oui. Antoine. Ouais, je veux dire l'Afrique aussi. Ah, aussi, d'accord. Daniel. En Afrique, déjà. D'accord. Laura. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être d'être sûr pour tout le monde. Bah, dis-donc, c'est Mamadou qui te parle, c'est en Afrique. D'accord, on va arrêter là les imitations. Laura? Oui. C'est limite, hein. Ouais. C'est borderline. C'est quoi les propositions? Afrique, Asie ou Amérique? Ah, j'hésite entre Afrique et Asie. Elle est Asie pour changer. Asie et enfin. Cindy? Moi, je vais partir en Afrique aussi. Ouais. Et ben, il fallait partir en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire. Parce que chez Laura, Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et la capitale administrative et politique, c'est Yamoussoukro. Bien sûr, évidemment, mais tout le monde le savait. Capitale de quand même 4 millions d'habitants. Eh oui, c'est pas n'importe quoi, attention. C'est une ville, quoi. Oui, certes. C'est une ville. C'est une grosse ville de 4 millions d'habitants. En bois à côté, c'est. C'est rikiki. C'est une grosse ville, hein. On termine par la dernière question sur une astuce MacGyver. Évidemment. Oh oh. Le plus beau. Et avec le quoi meilleur tu répares, des aventuriers. Hein. Pour faire démarrer sa Jeep. Oh non. Si. Oh bordel. Dont le radiateur est troué par des balles. Évidemment, ça arrive tous les jours. Il a l'idée de faire chauffer l'eau du radiateur et d'y lâcher du blanc d'œuf qui va aussitôt se transformer en une pâte bouchant les trous. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est n'importe quoi? Ou est-ce que l'idée est pas con, mais non? Voilà. Bah, la B et la C, ça se ressemble quand même. Ouais, mais Genre c'est n'importe c'est quoi. C'est parce qu'il était obligé de mettre trois réponses. Du coup il a comblé avec la troisième. Peut-être. Peut-être. Mais parce que non, c'est n'importe quoi. C'est genre ça, non. Alors que ouais non, il y a de l'idée, mais non, ça peut pas marcher. Voilà. À ton avis, Laura. Toi qui fais la maline. Voilà. Je suis pas la maline. T'as parlé. Bah, je dirais techniquement. Techniquement, parle pas de technique avec MacGyver. Hein. Tu ça dirais. Pourrait obstruer des ports, mais je pense pas autant que ça. Donc je dirais la réponse C. Ouais. L'idée est pas con, mais non. Daniel. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour toi. Antoine. C'est laquelle ouais, réponse ça hein. C'est la B. Ouais. Moi je dis que l'idée est pas con, mais non. D'accord, ça c'est la réponse C donc. Ouais, j'ai raison. Teddy. MacGyver. Hey. Vas-y, j'ai envie de dire vrai. J'ai envie de dire oui, il l'a fait, ce con. Mais oui, il l'a fait forcément. Ça marche donc oui, pour Teddy. C'est et obligé. Enfin, Cindy. Bah, moi ça me fait bien rire, mais pour moi ça fonctionne pas. Ah, mais j'ai pas dit que ça fonctionnait, mais dans MacGyver ça fonctionne. Ah oui, dans MacGyver. Mais... bah oui, mais dans MacGyver, oui, ça fonctionne. Oh, mais non, en vrai, est-ce que dans la vie ça fonctionne? Ah bah non, bah dans la vie ça fonctionne pas. Ah bon? Bah attends. Ah oui, je croyais que c'était, je croyais que c'était dans MacGyver. Mais non, mais évidemment que dans MacGyver ça marche, toutes les expériences qu'ils font, ça fonctionne. Est-ce que ça marche dans la vraie vie? Ah bah non alors. Alors tu dis c'est quoi? C'est n'importe quoi? La B. D'accord, ok. Bon. Ah merde, putain, j'ai failli perdre un point. Ah, évidemment que ça marche dans MacGyver, c'est le principe de la série. J'avais pas précisé, mais quand même. Alors Cindy, tu dis quoi? C'est n'importe quoi ou l'idée est pas con, mais non? Bah, c'est un peu la même chose en vrai, les trucs là. Ah non. Idée pas con, mais non. L'idée pas con, mais non. Et c'était la bonne réponse. Alors, quand même. Alors, ça, en fait, ça fonctionnera pas parce que, en fait, la, sur le principe, si tu l'as dit, Laura, ça peut fonctionner. Sauf que la pression du circuit de refroidissement est trop forte pour que le blanc d'œuf résiste, en fait. Tout simplement. Sans compter qu'il va cramer. C'est pour ça que c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi parce qu'il y a de l'idée. Mais. mais c'est pas parce qu'il y a de l'idée que c'est pas n'importe quoi. L'idée est pas con. Mais, si mais si je peux pas accepter ça. Non, si. Non, mais. J'ai eu une expérience sans faire exprès. Quoi comment dire. T'as fait la même chose Elle a essayé. Non. J'ai pris des impacts de balles. Bordel. Ma liberté d'expression. On connaît pas. Du coup, non, c'était quand je faisais la vaisselle. Enfin, j'avais préparé je sais plus quoi avec un blanc d'œuf. Bref, boucher les yeux avec un blanc d'œuf. Il y avait du blanc d'œuf qui était resté dans un récipient. Ouais. Et en gros, comment dire, j'ai une sorte de réservoir pour éviter de mettre les aliments dans le siphon. Oui. Voilà, pour récupérer les aliments. Et en gros, il y avait le blanc d'œuf qui s'était mis là. Et en fait, bah, ça. L'eau ne passait quasiment plus. Ouais, donc, ça a obstrué le circuit. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais que c'était n'importe quoi, parce qu'il y a de la pression dans le radiateur et ça ne pourra jamais tenir. Oui, mais il y avait quand même cette idée dont a parlé Laura, qui était très bien. En fait, avoir une idée, c'est bien, en fait. Ce que je trouve cool, c'est que tu peux faire des meringues. Bien sûr. Ah oui. Ah bah oui, ah bah ça. ça c'est cool, bon ça. Quand même. Et t'imagines, tu démontes le radiateur pour récupérer tes meringues. C'est ça. Mais pour. Bah ouais, de ouf. Par contre, d'une manière générale, pour revenir sur MacGyver, ces techniques sont plutôt viables en principe. Quoi? Oui, alors il y en a certaines, comme celle-ci, qui ont leur effet qui est largement amplifié, hein, parce que ça fonctionne sur un principe de base, mais là, avec la pression du radiateur, ça le fera pas. Mais il y a, on va dire, au moins la moitié des techniques de MacGyver qui fonctionnent réellement. Et le reste, c'est pas complètement inventé, il y a de l'idée sur le principe, quoi. Est-ce que c'est pour pas décevoir les fans de MacGyver qui disent ça, parce que... Non, il y a des vrais scientifiques qui ont répondu aux questions. Je m'en fous si c'est des vrais scientifiques qui regardent MacGyver, c'est pas des vrais scientifiques, déjà. Quoi, tu dis que c'est pas vrai? Mais comme dit Théo, c'est toujours basé sur quelque chose de réel. Ouais. Mais comme beaucoup de films au cinéma. Amplifié ou présenté, c'est n'importe quoi. Bah voilà. Ou des fois, c'est des coups de chance. C'est-à-dire que il y a des, je sais pas, il y a un moment donné, par exemple, il est dans un avion et il va mettre une bonbonne de gaz pour que ça ouvre les trains d'atterrissage. En fait, il faut que la bonbonne de gaz soit pile poil en termes de pression, à la bonne pression, pour que ça puisse fonctionner. Mais voilà, ça t'as une chance sur un milliard que ça arrive, mais ça arrive. Ça peut, là, dans MacGyver, ouais. Ça arrive forcément, ouais. Ouais, évidemment. Ça fait combien, mon petit Teddy, au niveau des points? Est-ce qu'il y a une chance sur un milliard que tu gagnes, là? Franchement, je suis déçu parce que sur la dernière question, j'aurais pu gagner. Bah ouais, mais j'ai pas gagné, du coup. Bah non. Mais je vais commencer par la fin avec un éternel Daniel. Non, pas éternel. T'as fait une Jolan, Daniel. C'est toi cette, cette oui, semaine. Oui, mais je suis pas d'accord avec les réponses, donc je suis pas d'accord avec le classement. Bah, tu as fait 2 points. Oui, après... moi, je devrais avoir 4. Bien sûr. Tu devrais même avoir 7, genre, oui. C'est sûr. Je pense que c'est Laura qui a gagné, non ? Non, Laura, elle est juste après Daniel. Ah bon, d'accord. Elle a 3 points. 3 points, Laura, ok, seulement. Suivi d'Antoine qui se l'a pété. ah, je vais tous les exploser. Il n'a que 4 points, s'il vous plaît. Vas-y, je jette mon stylo, j'en ai 9. C'est bien, tu passes quand même avec la supérieure. 4 points, c'est, ouais, la, c'est la pas mal. Moyenne. Et non, du coup, je me déjà, retrouve... l'aventure, c'est pas déjà mon truc, alors... Ah, c'est pas ton truc. T'es premier. Donc, sur les voitures, je non, suis là, premier là, égalité avec Cindy. 5 points. Oui. Ouais. T'as mais... la poisse ouais. que j'ai. De quoi? La chance, ouais. C'est que t'es avec Teddy, c'est ça la poisse. C'est pour ça. Non, c'est pas ça. C'est en théorie, ça va. En application, c'est plus compliqué. Ah, moi, je suis plus fort dans les... Bah, dans l'application. Non, mais 5 points. Alors, c'est pas mal. Après, c'est loin du parfait, quand même. On va se calmer, les gens. Mais... Non, c'est bien. Je suis sûr que vous avez fait encore mieux à la maison. C'est pas faux. C'est quand même. Ouais, mais joli score. Bon, après, vous êtes des aventuriers en herbe. Et c'est pour ça qu'on vous a parlé de tous ces récits d'aventure. C'est pour vous donner envie ce soir. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner envie pour refaire écouter cette émission aux gens? Oh, bah, peut-être écouter de la bonne musique. Ah, mais ça, il y en a toute la semaine en fait sur Indestar. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par exemple, avec People de Nina Attal qui arrive. Évidemment. Mais imaginons que vous ayez loupé. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans les 5 premières minutes? Méfiez-vous du cresson. Ah oui. Alors. Non, c'est pas exactement ça que tu veux qu'on dise. C'est le concept. J'imagine que tu veux qu'on dise que peut-être, si vous avez loupé cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast. Alors, ça, évidemment. Sur indestar.fr et sur une vingtaine de sites de podcasts. Et évidemment, mais pour entendre les aventures de Cindy qui est tombée dans un trou de cresson. Ouais, ça vaut le coup. Ah, c'était vraiment pour ça? Ah, bah, c'est vraiment pour ça. Ah, c'était un moment à ne pas louper. Autre Cindy moment... fait une salade composée. Exactement. Autre moment à ne pas louper, c'est vendredi où on sera en direct entre 21h et 23h avec un invité, Jonathan Louis, qui sera un artiste invité avec nous. Voilà. Et puis d'ici là, bah, passez une excellente semaine. Évidemment, émission retrouvée. Et puis, musique à écouter. Tiens, dans le programme, dans les quarts d'heure qui suit, on a Earthling avec All I Need qui arrive. Jen Matthew avec Bling Light, c'est la reprise de The Weeknd. Et pour commencer, évidemment, on écoute Nina Attal avec People sur Indestar. On vous souhaite une très très bonne soirée et on se dit à vendredi, les amis. Salut. Faites pas trop d'aventures ou alors finissez à 18h. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.